Et guérir de sa famille, tout ça c'est chez Erol. Thierry Gardet, dit Titi, vous embrasserez Teddy et Jessie. Très bien, trop ravi. Vous avez fait exprès ou tous ces noms J'ai fait dans la simplicité. Y. C'était l'année des I. Et je rappelle donc Live Security, ouais. Votre entreprise de sécurité. Merci beaucoup. Merci. Allez, nous on se retrouve demain au barbecue, parce qu'on va parler du camping, un mode de vacances qui n'a pas la cote qu'au cinéma. Rendez-vous donc demain à 15h sous ma tente sur RTL. Allez, tout de suite, voici Laurent Ruquier, les grosses têtes. Moi je vous embrasse et je vous dis à demain. RTL, il est 16h. Les infos, c'est avec vous, Olivia Leray. Olivia. Bonjour à tous. En Grande-Bretagne, un département spécial pour commencer à travailler sur le Brexit vient d'être créé au sein du gouvernement. Le Parti conservateur annonce, lui, que le successeur de David Cameron, le Premier ministre, sera nommé d'ici le 2 septembre. En Europe aussi, les décisions et les réunions s'enchaînent. François Hollande a rendez-vous à Berlin ce soir pour se mettre d'accord avec Angela Merkel. La chancelière allemande dit comprendre que la Grande-Bretagne ait besoin de temps pour formaliser sa demande de sortie de l'Union européenne. Cette fois, pas de polémique. La manifestation est autorisée demain à Paris contre la loi travail. Le trajet sera plus long que la semaine dernière. Il ira de la place de la Bastille jusqu'à la place d'Italie à Paris. L'écrivain Maurice Georges Dantec est mort d'une crise cardiaque samedi soir. Il avait 57 ans, lui donne notamment des racines du mal. Il y aura un peu moins de stars dans l'équipe de basket des États-Unis aux Jeux Olympiques de Rio. Le leader de la NBA, LeBron James, ne fera pas partie de la sélection dévoilée par la Fédération américaine. Une décision néanmoins largement anticipée. À 31 ans, le joueur avait indiqué la semaine dernière qu'il avait besoin de repos, tout simplement. Euro de football, suite et fin des huitièmes de finale aujourd'hui, et comme un air de finale tout court dès 18h au Stade de France avec l'affiche Italie-Espagne. Et puis ensuite, Angleterre-Islande, ce sera à 21h à Nice. Votre rendez-vous pronostic avec Bertrand Latour. Angleterre-Islande à 21h, et c'est à l'Alliance Riviera de Nice, match à vivre sur RTL jusqu'à minuit. À l'issue du match, les Français connaîtront leur adversaire. Pour les quarts de finale de dimanche, l'Angleterre est favorite pour une victoire dans le temps réglementaire, cote à 1,50. Le match nul est à 4,20 et la victoire de l'Islande à 10, cote sujette à évolution. Les Islandais sont l'une des surprises de ce début d'Euro pour un pays d'un peu plus de 300 000 habitants qui dispute sa première phase finale de grande compétition. Se retrouver en huitième de finale est un exploit. L'Islande a battu l'Autriche, résisté face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Évidemment, les Anglais sont favoris, mais l'Islande a pour elle d'avoir marqué à tous les matchs depuis le début de la compétition. L'Espagne peut en dire autant. Prochain rendez-vous pronostic à 17h. Retrouvez les paris sportifs sur RTL avec Winamax, site de paris sportifs en ligne. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Les courses à Auteuil et l'arrivée Bernard Glass. Avec un rappel bien sûr de l'arrivée du quintet de cet après-midi, le numéro plus 601 et la bonne combinaison, le 11, le 6, l'As, le 10 et le 4. La troisième épreuve a vu la victoire du 2 Titi de Montmartre, 8, 10 et 2, 30, devant l'As et Joe Pritchard, 1,60 et le 4 Golden Love, 1,90, 4e, le 8, la 4e. Succès du 6 Corsia, 4,70 et 2 euros, 4e victoire pour Guillaume Macaire, devant le 2 Fraca Figura, As, 2,90 et le 8 Les Piquettes, 6,50. 4e place pour le 9. La suite des arrivées, bien sûr, dans une heure. À tout à l'heure, Bernard. La météo pour cette fin d'après-midi encore est toujours très contrastée. Pluvieux et frais sur la moitié nord. Quelques éclaircies devraient quand même se dessiner près des côtes de la Manche. Dans le sud, temps ensoleillé et chaud avec des vents soutenus. Ce sera le même programme pour demain. Les températures 18 à 3, 21 à Paris, 25 degrés à Nice, 26 à Lyon et 31 degrés à Nîmes. RTL 16h03, tout de suite, vous retrouvez les grosses têtes de Laurent Ruquier. RTL. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui est devenue le campeur le plus célèbre de France et qui sera à l'affiche de Camping 3 dès mercredi, Franck Dubosc. Une grosse tête qui préfère planter un potager qu'une tente, Élie Semoun. Une grosse tête interdite camping parce qu'il gagne toutes les soirées karaoké, Christophe Beaugrand. Bonjour. Vous l'avez échappé belle. Oui, j'ai eu peur. Une grosse tête qui a plus souvent démonté les politiques que les tentes de camping, Franz-Olivier Gisbert. Bonjour. Une grosse grosse tête qui ne campe que sur ses positions, Pierre Bénichou. Et enfin, Miss Camping, une grosse tête qui ne fait pas de camping, mais dont le vrai nom est à coucher dehors, Karine Le Marchand. Vous êtes content de voir Franck Dubosc quand même, Pierre. Je suis fou de joie de voir Franck Dubosc, qui est un vieux copain. Paul Dubosc. Avec qui on a joué, on a fait des émissions de télé, de radio et tout ça. Énormément, et c'est qui, bien, tu as qui, de la mémoire. Et qui vient encore. Vient de tourner avec mon metteur en scène préféré. Et qui n'a jamais été coupé au montage. Virgule, lui. Voilà. Les hostilités démarrent. Votre metteur en scène préféré, c'est Fabien Antoniente. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a plus de succès avec Camping qu'il en a eu avec Turf. Mais peut-être parce que c'est Franck Dubosc qui coécrit Camping, tandis que c'est vous qui avez coécrit Turf. Non, oh, vous êtes sévère mais juste. Et Turf 2, ça en est où alors ? Non, là, on trouve pas. Pourtant, on a fait, ça coûtait que 26 millions d'euros. Et on a fait 832 entrées, 832 opérations, 4 fois ce qu'elle a. Quel succès. Bon, ça sort mercredi, Camping 3. On va avoir l'occasion d'en reparler pendant toute l'émission. Mais vous savez, cher Franck, il faut ici être grosse tête, donc répondre à des questions culturelles. Vous êtes prêts pour ça? Je vois que vous avez mis vos lunettes. Hein. Oui, ça aide, pour mieux vous entendre. Mais c'est vrai, avec des lunettes, on entend mieux. Je sais jamais à quoi elles servent, tes lunettes. À voir de près ou de loin? À l'époque, on s'est connus, tu portais pas de lunettes, t'étais frais, t'étais c'était jeune, pour te t'étais séduire. Ringaillardi. C'était pour te séduire. Je faisais le beau gosse. C'est vrai qu'on a l'impression de voir des petites annonces réunies. Là, ça, Rodriguez. Père et fils. Qu'est-ce que c'était bien. Mercedes et Jeannine. Oh, je voudrais t'entendre encore dire bonjour les hommes. Vas-y, fais Mercedes. Bonjour, c'est Mercedes et Jeannine. Bon. Non, il faut que t'attendes que j'ai fini le rire. Vas-y, bonjour, c'est Mercedes et Jeannine. Bonjour les hommes. Mais quel organe. Une première citation, si vous le voulez bien, et ce sera pour Jackie Joblin, qui habite Saran, qui a dit « Si seulement j'étais un tout petit peu plus modeste, je serais parfait. » C'est pas Pierre Bénichou, ça. Ça pourrait. C'est contemporain. C'est contemporain. C'est français. Oui. C'est français. Quelqu'un. Vivant. Vivant, non. Quelqu'un qui est mort déjà. Il est à ma gauche. Ah, il est mort en 1980. Non, c'est pas Franck Dubosc. Francis Blanche, non. Ça déliste. Comme ça, vous allez pouvoir en faire quelques-uns quand même. Ouais. Ah, ça pourrait être Fabrice Lucchini aussi, tant que vous y êtes. Bah oui, mais non, là, c'est quelqu'un qu'on a un peu oublié, je dois dire. Bah, il est mort. Oui. C'est pas Pierre Dac. C'est pas Pierre Dac. C'est Francis Blanche, alors. C'est pas Francis Blanche. Un humoriste. Un humoriste. Imitateur aussi, mais ça se sait moins qu'il était imitateur. Vega, enfin non. Pas Claude Vega. Claude Vega. Voilà, dans le genre, on l'a oublié parce qu'il a jamais été premier en fait. Ah non, il était plutôt dans les cabarets. Il faisait Pierre-Jean Vaillard. Pas Pierre-Jean Vaillard, mais pas loin. Il faisait quelques émissions. Robert Rocard. Pas Robert Rocard. Non. Il est décédé il y a pas longtemps. Et en 1980, je vous ai dit. Il y a longtemps quand même, ouais. Ah oui. Oui, ça fait quand même 36 ans. Plutôt chansonnier. Il est encore dans les années 80. Plutôt chansonnier, oui. Jean Rigaud. Pas Jean Rigaud, non. Pierre Doris. Non, il participait au Francophonissime. Pierre Douglas, non. Ah, il était avec Jean-Pierre Foucault là dans les trucs. Non, là, ça c'est l'Académie des Neufs. Ah bon. Non, le Francophonissime, les Jeux de 20 heures. Il représentait Télé Monte Carlo. Oui, c'est ça. Un nom en je vois qui c'est. C'est un nom en quoi? Très bien. Ben c'est pas en, c'est en on. Oui, en bas on. Ben, on est content de savoir que tu vois qui c'est, Franck. Mais cherche. Laissez-le. Ah, tu vois à quoi servent mes lunettes? Ah oui, c'est exact. Oui, attends, non, en on. Il a commencé comme imitateur. Et vous êtes sûr qu'on connaît son nom ou pas? Bah, pour moi, il est toujours parmi nous. Alors. Ouais. C'est horrible parce que c'est comme s'il mourait une deuxième fois. Il a même été, je vais vous dire, il a même été le juge-arbitre dans Le Mot le plus long, avant que ça devienne des chiffres et des lettres, avant même Max Favalelli. La première lettre de son nom de famille? Un V. Voilà. Claude Vega. Non. V. Jean Valton. Jean Valton. Bonne réponse de Franck Dubosc. Les lunettes. Attendez. Arrêté, Franck est décédé. Il a trouvé une bonne réponse, c'est trop pour lui. Oh, il a l'air tellement heureux. Une autre citation pour Laetitia Chrétien qui habite Isberg dans le Pas-de-Calais qui a dit « J'ai un pote mi-juif, mi-arabe. S'il peut pas négocier un truc assez bas, il le vole. » Patrick Timsit. Ça c'est drôle. C'est pas Patrick Timsit, non. Ça c'est vivant. C'est mort ou c'est vivant? Alors c'est quelqu'un qui, hélas, n'est plus là. Oh. Des proches? Des proches, non. Ah, c'est très drôle. Il s'est fait piquer. Comment ça, il s'est fait piquer? Il a volé, je sais pas. Il est mort très jeune, vous l'aimiez bien, j'en suis sûr. Eli Kaku. Eli Kaku, ah. Deuxième bonne réponse de Franck Dubosc. Là, avec dans pas. La culture va de Valton à Eli Kaku. C'est un mec formidable. Tu mériterais de tourner avec des grands metteurs en scène. Dans un instant, les grosses têtes reviennent avec Laurent Ruquier sur RTL. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. En France, notre artisanat est reconnu dans le monde entier. On a le souci du détail. Dans nos métiers, quand on choisit nos outils ou nos matériaux, on veut de la qualité et de la fiabilité. Pour mon véhicule utilitaire, j'ai donc choisi le numéro 1. Chez Renault, l'excellence est fabriquée en France. La gamme Renault Pro Plus Euro 6 est à partir de 7 990 € hors taxes. Prix d'un Kangoo Express Compact Énergie DCI 75,6 € incluant 4 360 € de remise et 1 500 € de prime reprise d'un véhicule de plus de 4 ans. Réservé aux professionnels jusqu'au 31 août, voire Renault.fr. Bon, prenons un élève qui entre en terminale S. Si l'on considère qu'il est en pleine forme pour la rentrée, mais qu'en parallèle il a peur d'avoir tout oublié en maths pendant les vacances, comment faire pour qu'il retrouve sa motivation et ses connaissances? Vous avez 20 secondes. Avec Acadomia, la réponse est facile. Votre enfant peut faire un stage de pré-rentrée dans un des 110 centres Acadomia en France auprès d'enseignants motivants et certifiés. Une semaine de cours adaptée pour aborder la rentrée bien préparée. Renseignez-vous dès maintenant sur acadomia.fr au 0810 10 15 20, prix d'un appel local. RTL 16h, 18h, vos grosses têtes sur RTL avec Laurent Ruquier. Une question pour monsieur Jérémy Drujon qui habite Guéméné-Pinfao, c'est en Loire-Atlantique. Et il va de soi qu'il fallait que la première question d'actualité porte sur le match des Bleus hier. C'était magnifique. Que vous avez forcément regardé, j'imagine, ce match magnifique. Bon, on a eu un peu de mal quand même, mais la deuxième mi-temps nous a permis d'éliminer l'Irlande et d'être qualifié ainsi pour les quarts de finale. Grâce au beau Griezmann. Ah, vous l'aimez bien le petit Griezmann? Il est mignon. Une bonne tête. Et puis il a du talent. On s'en fout qu'il soit mignon, ce qui compte c'est qu'il marque. Ah non, moi ça m'intéresse qu'il soit mignon. Moi, je m'en fous qu'il marque. Tu dis qu'il a une... T'as rien compris. Karine, tu dis qu'il a une bonne tête, c'est le cas de le dire. Hein. Ah oui, vraiment. Il a une bonne tête. Ah bah oui, parce que c'est même la deuxième fois qu'il marque de la tête. Et c'est vrai qu'il est petit, mais il saute au moment où il faut. Puis il a l'air on dirait Lise Moon. Enfoiré, enculé. Enculé. Parce qu'il disait. Il disait très bien bonjour les hommes, mais bon. Il disait aussi enculé. D'une manière extrêmement. Enculé. Voilà. Ah oui, suave. Bon, mais puisque vous avez tous regardé le match, vous avez regardé Franck, j'imagine. Oui, j'ai regardé, Vous aussi, Pierre, j'imagine. Je me suis endormi à la mi-temps. Ça m'étonne. Et j'étais content qu'on m'a dit le match va finir. Et j'ai pas regardé l'écran où c'était marqué 2-1. Je croyais que c'était toujours 1-0. Et j'étais fou de joie. Pourquoi? Parce que j'en ai marre que la France continue à gagner et tout, ça me fait chier. Ah, vous êtes anti-français, monsieur. Non, je suis anti toutes les bonnes équipes, j'en ai marre. Je voudrais que tous perdent, ils sont tellement cons. Il est très en forme, hein, cette saison. Ça donne envie de passer le week-end avec toi. Et ça donne envie de vieillir, en tout cas. Alors, puisque vous avez tous regardé le match hier, vous êtes évidemment capable de me donner le nom de l'arbitre du match. Ah, c'était un Italien. Ah oui. C'était un Italien. Ah oui, alors attendez. Oh là, mais comment tu veux que. Nicolas. Panzani. Je vous demande même pas son prénom. Matteo Renzi. Non, je vous demande son nom. Ah mince, ça, c'est le Premier ministre en Italie. Tagliatelle. Tagliatelle. Gisbert, je ne vous ai pas engagé aux grosses têtes pour dire Tagliatelle. Mais je n'ai pas vu le match. Laurent, c'était Anzi, non? Non, il n'y avait pas. C'était Henri. Non, mais Franck va trouver. Non, je suis. Alors, attends. Est-ce que son nom ressemble à quelqu'un d'autre? Il est connu pour autre chose? Oui. Ah voilà, c'est ça. Donc, il faut qu'on trouve. Gucci? Monsieur Gucci, non. Alors, Ferrari. Son nom, c'est Ferrari, quelque chose. Ferrari, non. Son nom, c'est une marque qui se mange. Pas du tout. Qui se porte sur soi. Quoi, non. Un nom d'acteur? Un nom d'acteur, non. De chanteur? Ah, quelqu'un qui a chanté, pas beaucoup, mais je pense que vous seriez le seul ici, Christophe Beaugrand, à pouvoir chanter un de ses titres. Ah, qu'est-ce qu'il faisait alors? Il était danseur? Il faisait de la télé? Il faisait de la télé. Sordi, non? Albert Sordi, non. À la télé, en France? En France. Rizzoli, bonne réponse! Les bananas. Oui, c'est formidable. Qu'est-ce qu'il chantait ? Elles sont cuitas, les bananas, non, les coupées en dos, les patatos. Cuitas, les bananas. C'était bien, c'était un tube énorme. Non. Les paroles de qui ? C'est Philippe Risoli qui a écrit lui-même. Hein. Personne n'a osé faire ça à la place. Non, incroyable. Il chantait pas terrible, mais il écrivait bien. Mais comment tu connais ça ? J'ai l'album. C'est une cuitas, les bananas. Non, mais sérieux ? J'ai aussi le single de Bernard Montiel. Absolu dément fou de vous. Qui est dans Camping, d'ailleurs. Oui. Il était dans le 1 et il est à nouveau dans le 3. Oui. Alors, la question suivante porte justement sur un film français, qui avait lieu, lui aussi, dans un camping, puisque Jean-Pierre Mariel jouait Léon Tartafione, celui qui venait dans le camping animer les Jeux d'été inter-camping. Mais ça s'appelait l'Hôtel des Bains. Les galettes de Pont-Aven. L'Hôtel des Bains. Pas du tout. Les galettes de Pont-Aven. Justement, je vous demande le titre du film, et ce sera une question pour Romain Juillet, qui habite Besançon, dans le Doubs. Hôtel de la plage ? Hôtel de la plage, non. Hôtel de la plage. Bon, ça, c'est pas l'année des Méduses. Ça se passait sur la Méditerranée. C'est pas l'année des Méduses. L'année des Méduses, non. Ça se passait sur la Méditerranée, ce film ? Oh, sur la Méditerranée. Ou sur l'Atlantique. Méditerranée, je ne sais pas. Avec Marielle, c'est la Bretagne. Pas où se trouvait le camping. Le camping s'appelait. Non, c'était sur la côte provençale. C'est une comédie ou un. Ah, une comédie, pas tout à fait. Et c'est vrai que. Est-ce qu'il y a Jean Carmet ? Il y a Jean Carmet. Oui, c'est le film d'Yves Boissé qui s'appelle Dupont-la-Joie. Excellente réponse de Franck-Olivier Gisbert. Avec une passe de Dubosc. Non mais c'est vrai que c'est un film incroyable, Dupont-la-Joie, qui se passait dans un camping, avec l'histoire évidemment d'un viol et d'une accusation à tort d'un immigré qui était qui travaillait sur un chantier à côté. C'était la donc effectivement pas vraiment une comédie quand vous posez la question. Vous n'avez pas vraiment. Hein. Ça fait penser à Coup de tête. C'est la famille Lajoie. Jean Carmet joue Georges Lajoie. Ginette Garcin joue sa femme qui est raciste. Elle joue Ginette Lajoie. Ils ont un fils Léon Lajoie et ils sont au camping caravanine Beau Soleil, tenu par Loulou, qui est Robert Castel, le pied noir, qui tient le camping. Et puis, c'est la fille de Pierre Tornade, la famille Colin, qui est aussi dans le camping, qui va être effectivement victime non seulement d'un viol, mais elle va mourir. Et c'est Jean-Pierre Mariel qui joue Léon Tartafione, qui vient animer les jeux intercamping. Vous voyez. Quand on a écrit Camping 1, on s'était dit, est-ce qu'il y a des films sur le camping ? Et on en a dénombré deux qu'on connaissait, c'était Dupont-la-Joie et Le Corneau. Ben alors, pourquoi n'avez-vous pas répondu avant ? Mais j'ai dit Jean Carmet, c'est pour ça. Non, j'ai dit Jean Carmet pour laisser un peu quelqu'un d'autre gagner. Mais j'avais pas envie de ce type. Il j'avais est mauvais pas coucheur. Envie de faire trois réponses d'un coup, d'humilier tout le monde en arrivant. Je suis pas Bénichou, moi. Je suis pas. non, en effet. Alors, restons dans un camping. Une question pour Monsieur Fleury, qui habite Épierre, en Savoie, puisque je vais vous demander le nom de cette tente de réception dont les parois sont amovibles, qu'on utilise dans des foires ou même dans des chantiers extérieurs, donc très grande tente qui est pliable, qui s'installe rapidement à l'extérieur grâce à une structure tubulaire en acier. Stevie. Non. C'est une petite vengeance. C'est une vengeance. On appelle ça un pavillon, non ? Alors, un chapiteau. Je devrais avoir honte. C'est vraiment la Roquefort qui dit à la Camembert, tu pues. C'est pas une véranda ? Une véranda, non. Une véranda rideau. Pardon. Akena véranda, la reine des vérandas. C'est une question pour vous, ça, Franck Dubois. Parce que quand même un nom. Une grande tente. Oui. Non, mais franchement, vous devriez connaître toutes les catégories. La canadienne, la guitoune. La guitoune, ça existe. C'est une canadienne, une guitoune. Oui, mais tente. C'est pas la guitoune. Mais alors, ça, c'est pas vraiment une tente. Mais c'est une marque. Est-ce que c'est une marque ? Ah non, ce n'est pas une marque. C'est la tente maréchal. C'est la définition d'un nom commun, hein, pas un nom propre. Non. Ah bah, si on organise des trucs, c'est incroyable, c'est pas vraiment une. Même si ce nom commun vient au départ d'un nom propre. Tente de réception ou chapiteau pliable qui s'installe rapidement à l'extérieur grâce à une structure tubulaire en acier. Il est recouvert de toile sur le toit et les panneaux latéraux sont transparents. Ils permettent de s'abriter du soleil ou de la pluie. Non, mais on voit à quoi ça ressemble. Ah oui, et ça s'appelle... Quand on demande ça, on dit vous n'auriez pas ce genre de toile là qu'on connaît. On connaît. Pour la pluie. Un barnum. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Vous n'avez pas triché, Christophe ? Non. Juré, j'ai pas triché. Est-ce qu'il y avait un barnum à la... Non, un barnum, c'est tout ce qui est une tringle avec des cintres dessus. Ça, c'est une armoire. Le barnum, je sors le barnum, qu'ils disent les marchands aux puces. Ben oui, c'est ça. Comme une tente, oui. Pierre, vous n'avez pas nous donner une leçon de camping. Oui. J'ai jamais foutu les pieds dans un camping. Non, mais là, c'est pas dans un camping. J'avais foutu les pieds. Si, pour prendre des douches et économiser sur l'eau de sa villa. J'ai été conçu dans un camping. C'est pas vrai. Mais racontez, oui. Votre papa et votre maman. Tout s'explique. Oui. Si j'étais conçu, c'est mon papa et ma maman. Oui. Oh, bah, dans un camping, il pourrait y avoir d'autres gens. J'aurais pu être complètement. Être conçu par deux voisins. Oui. Bah, non, mais si dans un camping, tout est possible. Ça peut être le facteur, ça peut être le touriste. Mais ça aurait été son papa et sa maman quand même. Non, ça aurait pu être votre... et ma maman. Bah non, ça aurait pu être votre maman avec un mec de passage. Rien que ma mère qui a trouvé insulté. Alors vous avez été conçu dans un camping. Bah ouais, je suis conçu dans un camping. Vos parents vous ont raconté ça. Moi, je me souviens où on a fait nos enfants. Moi, je me souviens où j'ai fait les miens. Ah oui, c'est vrai. Comment tu sais? Alors ça m'a toujours étonné. Moi, je m'en souviens très bien. Mais comment tu sais que c'est cette fois? Voilà. Bah, si tu le fais une fois par mois, tu le sais. Bah, on revenait d'une soirée de chez Eli Kaku. C'est-à-dire que tu fais l'amour très rarement. Et après, tu regardes ton agenda et puis tu te dis. Mais si tu fais l'amour tous les jours. Je sais quel jour, je peux pas te dire à quel moment, parce que ça a été plusieurs fois dans la journée. Je sais à peu près le jour, bien évidemment. Je peux pas te dire si c'est le matin, le soir ou midi. Voilà, c'est ça. Je peux déjà même pas te dire avec qui, alors. Saviez-vous que pour vivre pleinement et sereinement votre retraite, AXA vous propose des solutions santé, épargne et dépendance? Même si vos besoins changent à la retraite, vous serez toujours vous et toujours bien protégé avec AXA. Prenez rendez-vous avec votre conseiller AXA ou sur axa.fr. Jusqu'à 18h, les grosses têtes. Laurent Ruquier. Sur RTL. Te laisser partir. Un thriller psychologique glaçant, fascinant. Obsédant. Te laisser partir, un thriller à couper le souffle, écrit par une femme ex-commandant des forces de police britanniques. Te laisser partir, de Claire McIntosh aux éditions Marabout. Déjà plus de 500 000 exemplaires vendus dans le monde. RTL et BD Musique présentent les florilèges de l'histoire de la musique en bande dessinée. Johnny, Gainsbourg, Nina Simone, B.B. King, Elvis ou bien encore Bob Dylan pour passer un été en musique et en bande dessinée. Une collection de 7 albums à découvrir dès maintenant chez votre marchand de journaux avec RTL. Popcom.fr. Vous allez où vous pour changer vos pneus? Sur Internet ou chez un pro? Moi je vais sur Internet et chez un pro. Et hop, popgum.fr. Sur popgum.fr, je choisis mes pneus parmi les grandes marques, je paye tout en ligne et je prends rendez-vous chez un pro pour le montage. Et hop, popgum.fr. Mon petit truc en plus, cliquez sur promo pneus et profitez des pneus à prix canon. Popgum.fr, le spécialiste du pneu de marque à prix internet. Popgum.fr. Simplifiez-vous le pneu. Pour jouer face aux grosses têtes et gagner un beau cadeau, et c'est très simple, vous inscrivez sur RTL.fr. RTL. Une question. Top chrono. Les auditeurs face aux grosses têtes. Bonjour monsieur Filatreau, Julien Filatreau. Oui, tout à fait. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Excellent. Bonjour Julien. Excellent le nom de famille. Monsieur Filatreau habite Blanquefort, en Gironde. Ah, c'est bien. C'est exact. Que faites-vous dans la vie? Je suis technicien dans la qualité de l'air. Très bien Julien, et la qualité de l'air est bonne en Gironde? Elle est très bonne. Vous allez au camping, vous, de temps en temps, Julien? La semaine dernière, en effet. Ah, c'est vrai, racontez, où est-ce que vous êtes allé en camping la semaine dernière? Vers Royan. Royan, en Charente. Tout à fait. Et c'était bien? Et c'était excellent. Et vous étiez avec une femme? Avec ma femme. Elle est gironde? Il y a des moments où on regrette Jean Valto. Il y a des moments où je suis impayable. C'est la fin de saison. Les Girondes. C'est vraiment la vanne des années 30. Oh non. Et dans à propos de l'année 30, tu vas t'en prendre. Tu pètes 30 kilos. Vieillir les années 30 et tout. T'imagines, tu vas en boîte et tu dis ça à une meuf. Oh, dis donc, je te trouve gironde. Ben oui, ça marche. Vas-y, casse-toi. Ça marche à Bordeaux. Hein, comme si t'as mon physique, ça marche mieux. Oui. Quand toi, tu fais un poème, tu comprends. Oh, bah, non. C'est tout. Non, ça se dit jamais à une femme. Parce que quand un homme ose te dire que t'es gironde, c'est que t'es vraiment gros, trop grosse. Julien, vous allez pouvoir faire autre chose que du camping grâce à nous. Vous allez partir avec 3 personnes de votre choix pendant une semaine dans une résidence Odalis. Odalis est un acteur incontournable sur le marché de l'hébergement touristique en France. On s'est bien dit. Plus de 270 résidences, hôtels et quand même des campings, aussi mobil-home à la mer, à la montagne ou à la campagne. Là, vous allez pouvoir partir à la résidence Odalis Fleur de Sel à Guidel-Plage. C'est dans le Morbihan. Oula. Une belle résidence située face à l'océan avec une piscine extérieure chauffée, un spa marin de 1200 mètres carrés avec piscine couverte et un restaurant. Mmh. Tout ça vous attend. Allez voir sur odalis-vacances.com. Pour ça, il faut évidemment répondre à la question qui vient. Franck, on lui laisse à notre auditeur. Attention, ah, 10 oui. secondes. Et la question porte forcément sur la série des films camping. Le troisième sort mercredi. Est-ce que vous avez vu les deux précédents? Le premier, oui. Vous avez vu le premier. Je dois rattraper le deuxième encore. Eh bien, allez voir le troisième parce qu'il est très drôle. Et la discothèque n'a pas changé de nom. Je vous demande, évidemment, le nom de la discothèque dans le film Camping. La discothèque Espagne? Quoi donc? Espagne. C'est pas celle-là. Non. D'où vous sortez ce nom de discothèque? Je pense qu'il a mal cherché sur Google. De Google, ouais, c'est Google qui a donné le nom de la discothèque dans le film Camping. Dans le premier film, c'était? Ah ben dans tous les films, hein, Franck n'a jamais fait comme moi à l'école, il répète la question pour gagner du temps. Là, ça vient, là. Oui, non, mais faut vous me demandez, vous me demandez 4 x 4. Oui, 4 x 4. Oui. Pas 3 x 3, 4 x 4. Hein. Il y a combien comme de discothèques politiques dans les différents films de camping en tout? Le Shogun. Le Shogun, c'est gagné. Bravo. Il était temps, hein. Julien, vous partez avec deux de vos amis, votre épouse, où ça? Bah, à la résidence Guidel-Plage, dans le Morbihan, Odalis Fleur de Sel vous attend. Vous penserez à nous pendant cette semaine-là? Oh oui. Bah, on vous embrasse, Julien. Allez. Une autre question. Oh bah, puisqu'on est sur le film Camping, restons-y. J'ai une autre question encore sur le réalisateur Fabien Antoniente. C'est vrai que c'est un réalisateur qui quand même a connu d'énormes succès. Et puis Turf. Au cinéma. à part Turf quand même, il a fait Jet Set, il a fait 3-0, souvenez-vous quand même films qui ont cartonné. Il a fait Disco qui est un chef-d'œuvre. Disco, évidemment. Mais alors, justement, quel est le premier film réalisé par Fabien Antoniente? Quel est le titre du premier film qu'il réalisa? Ah oui, Quartier Latin. Non, l'histoire d'un... On a le droit de le dire, nous? Ah bah oui, vous avez le droit de le dire. À la vitesse d'un cheval au galop. À la vitesse d'un cheval au galop. Bonne réponse de Franck Dubosc. Mais il est fort, hein? Bah, il est fort. Il le connaît bien, quand même. C'est quand même son réalisateur. C'est normal qu'il connaisse le premier film qu'il a réalisé. Je m'intéresse, effectivement. Je connais le premier film d'Elie Semoun. C'est lequel? C'est quoi? Ah non, je ne vous ai pas demandé de me poser la question. Moi-même, je m'en souviens pas. À la vitesse d'un cheval au galop, ça racontait l'histoire d'un groupe de retraités prêts à tout pour visiter le Mont Saint-Michel. Exactement. D'où le titre, à la vitesse d'un cheval au galop, puisque évidemment, la mer, vous le savez, etc., etc., Pierre Bénichoux. À la vitesse d'un cheval au galop, mais c'est faux d'ailleurs. Comment ça, c'est faux? Ça va pas trop vite, la mer. Comment ça va pas trop vite? on peut très bien échapper aux vagues. Ah non, au Mont Saint-Michel, il y a des gens qui sont morts, hein. Il y a des cons qui meurent partout. Vous étiez... si tu commences à te mettre de l'ombre solaire au moment où la mer arrive, évidemment. Les conneries qu'on dit aux gosses, c'est comme de ne pas se baigner après avoir déjeuné. Moi, je ne pouvais pas me baigner avant 7h du soir. Je déjeunais trop. Ma mère, pareil, elle disait toujours attention à l'hydrocution. On ne doit pas se baigner une ou deux heures. On attendait deux heures. Ouais, mais c'est pas deux heures. Je crois que ça n'a rien à voir. Heureusement qu'il y avait ma cousine pour faire la sieste sans ça. Quelle horreur. Oh mon Dieu. Moi, ma mère me disait que si j'avais un noyau de cerise, ça allait pousser dans mon ventre. Ah oui. Ah, c'est pas vrai. Ils disent pas mal de conneries, les parents, hein, quand même. C'est drôle. Pierre, vous étiez à la Garden Party samedi soir. À quel? Ben, Garden Party, quand même, j'ai vu ça. Champagne à volonté, petit four, soupe à l'oignon à 3h du matin. Ah oui, c'est Jean-Marie Le Pen. Ah oui? 88 ans, 300 personnes conviées. Ah, Massimo Gargia. Non. Ah oui, Massimo Gargia était là. Les commissaires-priseurs. Pierre Cornette de Saint-Cyr. Il y avait Pierre Cornette de Saint-Cyr. Ah oui, Pierre Cornette de Saint-Cyr. Oh, mince. Tous les gens que je croise dans 50 minutes inside dans mes tournages, ils étaient tous là-bas. Ah bah, ça me déprime. Ils vous ont pas envoyé, Nico? Non, alors c'est dommage. Donnez la liste encore. Parce à la Garden Party. J'ai raté un truc. Il y avait qui d'autre? Non, il n'y avait pas un copain à vous. C'est ça que vous voulez savoir. Je dénonce. Il n'y était pas. Ah. À l'occasion de la tournée Folio sur mer, les éditions Folio et RTL offrent à tous les auditeurs intervenant à l'antenne, dont Julien, tout à l'heure l'auditeur face grosse tête, eh bien, une sélection de leurs meilleurs titres. Retrouvez tous les détails de la tournée Folio sur mer de la mi-juillet à la mi-août sur les plages du Morbihan et de la Méditerranée sur www.folio-lesite.fr. Envie d'acheter ce que vous aimez à prix tout doux en beauté, bijoux, maison et mode? La solution, c'est QVC. Chaque jour, dès minuit, découvrez le Today Special Value, l'offre privilège du jour. Alors à ce soir, sur la chaîne télé QVC et la boutique en ligne QVC.fr en tapant trois lettres QVC.fr. QVC, achetez ce que vous aimez, aimez ce que vous découvrez. RTL, première radio de France. Valises. Mais on part qu'un week-end. Bah, une pour mes affaires et une pour le shopping. Pendant les soldes sur mesbagages.com, il y a jusqu'à moins 60% sur des milliers d'articles. J'ai pas pu me retenir. Mesbagages.com, c'est plus de 15 000 bagages de grande marque au meilleur prix, livrables en 24 heures. Avec mesbagages.com, vous ne serez pas déçus du voyage. Voir conditions sur le site. Waouh, elles sont top toutes les trois. Enfin Bruno, vous êtes marié. Mais je parle du Top First Top. Jusqu'à 100 euros offerts sur l'entretien auto, c'est top. Jusqu'à 150 euros sur les pneus Bridgestone, c'est top. Plus 19 points de contrôle gratuit, c'est top. Cet été pour les offres top, rendez-vous chez First Top. Dans les 340 centres auto First Top, jusqu'à 100 euros offerts sur l'entretien auto, jusqu'à 150 euros sur les pneus Bridgestone, plus le contrôle sécurité gratuit. Centre auto First Top, les centres au top. Offre valable jusqu'au 30 juillet, conditions dans les centres auto First Top participants. 16h-18h, les grosses têtes de RTL avec Laurent Ruquier et cet après-midi dans le grand studio, Franck Dubosc, Elise Moon, Karine Lemarchand, Franz-Olivier Gisbert, Pierre Bénichoux et Christophe Beaugrand. Une question pour Monsieur Simon Brook, question culturelle. Il habite Fallampin dans le Nord, Monsieur Brook, et il espère évidemment un chèque de 300 euros. Dans la mythologie grecque, ils sont six dieux masculins qui résident sur le mont Olympe. Vous avez Zeus, vous avez Poséidon, vous avez Apollon, Hermès, Arès, et il en manque un. Lequel? Dionysos. Mercure. Vulcain, non. Mercure, non. Non. Zara. Jupiter. Comment vous dites? Zara, pas Zara. Hermès, tout ça, moi je... Alors, Zeus, Poséidon, c'est le dieu, c'est, Dionysos, c'est un, Arès, c'est un dieu qui est lié à quelque chose de particulier. Est-ce que c'est le dieu de la fête? Non, Dionysos, c'est lui le dieu de la fête. Neptune. Neptune, non. Mars. Non, ça, c'est Poséidon. Mars, non plus. Alors, il y a Zeus, il y a Poséidon, il y a Arès, il y a Hermès, il y a Apollon, et il en manque un. Il n'y a pas Athéna. Athéna. Un homme. Ils sont un homme, on peut dire. C'est que des mecs. Celui qui est dans lui, Athéna, c'est des slips, alors il pense que c'est un mec. dans la terre, enfin. Non, c'est le dieu du feu, de la forge, de la métallurgie. Héphaïstos. Comment? Héphaïstos. Héphaïstos. Excellente réponse de Christophe Beaugrand. Qu'est-ce que tu crois? Moi, je regardais les Chevaliers du Zodiac. Hein. Oui, c'est surtout une boîte gay. C'est surtout le monde une boîte gay. Moi, je suis en tout cas sûr. Monsieur Beaugrand, ça fait 15 jours que vous n'êtes pas venu à l'Héphaïstos. Rentrez, invitez. Oh, bah, écoutez, vous êtes... Ah, bah, on est ravis de vous avoir cette semaine. Vous venez avec qui? Attends, laisse-le. Oh, monsieur Ruquier, comment allez-vous? Venez prendre un verre. Oh, bah, attends! Ils avaient une bouteille la semaine dernière, elle est où? Oh, allô, elle est dans Jean-Pierre! Quelle horreur! Elle est dans Jean-Pierre! Vous connaissez une boîte qui s'appelle les Faïstos? Oh, ça pourrait exister. Ah ouais? Ça peut exister. Ouais. C'est comme ça que vous savez ça, vous, Beaugrand. Mais non, mais j'ai fait du grec. Ah oui? Voilà, je suis désolé. C'est tous vrai. Les étés, il fait du grec. Héphaïstos, non, mais il fallait le trouver. Ah oui, c'est bon. On mais peut... non, mais ah non, là, bravo. Vraiment, on est épaté, bon. Oh, bravo. Merci. Et qu'est-ce qu'il a chanté? C'est la preuve que Dieu existe, ça. Une autre question, là. Vous avez vos chances, monsieur Bénichoux, et c'est pour Elisabeth Marton, qui habite Jaunet-Clan, dans la Vienne. Ils sont trois qui, depuis vendredi, ont 45 jours pour réfléchir s'ils préfèrent un stage de citoyenneté ou une amende de 400 euros. Qu'ont-ils fait? Ils sont connus? Ah non, ils sont pas connus. On n'a pas leur nom dans la presse. C'est des supporters? Non. Des cégétistes? Des cégétistes, non. C'est lié au football? C'est lié au football, non. C'est lié à une addiction? Est-ce que c'est une addiction pour certains? Oui. À l'alcool? Non. À l'alcool, non. Pour certains, c'est... oui. Le sexe, peut-être? Ah oui. Ce sont des gens qui ont fait l'amour dehors? Non, je ne sais pas. Le non. sexe? Moi, il y a des mots comme ça, le sexe. Ça l'excite pour la ça semaine. Ça le réveille, là. Le, vraiment, le très, très vieux con, tu sais, qui dort tout le temps, que d'un coup, il y a un mot. Ouais, c'est ça, le sexe. C'est oui, beau, les souvenirs. Le sexe, ouais. Ouais. C'est beau, les souvenirs. On dirait un petit enfant c'est de 8 ans. C'est des gens qui ont trop téléchargé. Nichon. Ah oui, c'était sur porno, Internet. Non. Est-ce qu'ils ont pris des photos d'eux dans des positions scabreuses? Non, vendredi, ils sont passés devant le tribunal, et c'est vrai que c'est la première fois que ça arrivé, et là, le procureur leur a donné le choix entre un stage de citoyenneté de 2 jours ou bien une amende de 400 euros. Ils ont 45 jours pour se décider. C'était des jeunes ? Des jeunes, alors ça, je sais pas, puisque je n'ai pas leur nom, j'ai pas leur âge. Ils étaient combien ? Mais je pense qu'ils étaient a priori pas si jeunes que ils ça. Ils ont fait l'amour dans un endroit où il fallait pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Est-ce qu'ils se sont exhibés ? Non ! Bah, ils ont fait pipi ! Mais non. Ah moi c'est pipi. J'ai eu une amende, moi. J'ai eu une amende pour épanchement d'urine sur la voie publique. C'est vrai. Ah ouais, c'est, bah c'est vrai. Très bien. Où ça? Ouais. Dans le 6e, j'avais pissé contre un mur en sortant c'est de. C'est insupportable. Oh, bah écoute, je ne supporte pas ça. Dans les parkings et tout, c'est immonde. Ah moi j'adore. Je vous couperai le truc, tiens moi. Oh attendez. Ah non mais. Tu dis ça parce que. Mais c'est pas possible de s'y peut respecter les autres. Tu dis ça parce que t'es jalouse, non? Mais pas du tout. Mais va dans un bar. Mais qu'est-ce que c'est ces gens? Va dans un bar pour faire des mauvaises rencontres, tandis que là, dans un parking, mais les seules mauvaises rencontres que tu peux faire. Mais quel manque femmes, d'éducation! C'est des femmes accroupies qui font pipi. Mais oui. Non, mais Karine, il a raison, Pierre Karine. Il y a des filles on aussi. On fait pipi debout, madame. C'est vrai? Non, mais c'est pas normal. Mais pensez aux autres un petit peu. C'est non, mais il y a des filles qui font ça. Ça leur fait de mal. Mais je pissais sur personne. Ça pue? Ça pue. Ah, tu connais pas ma pisse? Ah. Non, mais ça va pas, non? Heureusement que j'ai pas dit que j'avais fait caca en plus. Même. Debout. Alors là, bravo. Non, écoutez, c'est une loi qui est appliquée pour la première fois. Donc quand même, vous devriez savoir. Ah, c'est les prostituées, c'est les prostituées, la prostitution. Non, oui, les clients. C'est les clients qui se sont fait prendre. Et parce bien que voilà, c'est la. Avec des prostituées. C'est la première c'est fois. Maintenant. C'est la première fois que des clients effectivement passaient devant le tribunal. La loi est toute récente, évidemment. Eh bien, ils ont été pris en flagrant délit dans la forêt de Fontainebleau. Un autre dans le bois de Boulogne, et puis encore un autre dans le bois de Vincennes. Et effectivement, ils ont le choix entre soit un stage de citoyenneté, où on va essayer de les rendre moins addicts au sexe, de leur faire comprendre que c'est pas bien d'aller voir les prostituées. Non mais c'est... Ah bon, c'est pas bien? Dans quel quartier c'est pas bien? Mais non, mais c'est pas bien. Mais un stage de citoyenneté... Non, mais dans quel film c'est pas bien? 400 euros sinon? Ouais. Ça fait cher la fille. Plus la fille, ça fait 450 euros. Il est resté à 50 euros. Il est resté à 50 euros la pipe. Mais Laurent, c'est beaucoup plus cher. Ça consiste en quoi le stage de citoyenneté? C'est un psy ou comment ça se passe? C'est comme pour récupérer les points. On te fait passer des putes devant toi, tu dois résister. Bah c'est l'amour est dans le pré. Pardon, Karine. Oh, Karine. À chaque fois, il dit pardon, Karine, mais il le dit quand même. Je voudrais vous poser une question sérieuse. Moi, oui. Est-ce que jamais il y a des gens, des jalouses ou des choses comme ça, qui n'ont pas été recrutés pour faire ça doit arriver, et qui ont voulu vous embêter en vous accusant d'envoyer des prostituées et des femmes que vous payez, si vous ferez tomber pour le délit de, d'entremetteuse. C'est tendu, ça. C'est hein? Mais non, parce que c'est diffusé à la télé, donc. Et ça, c'est quoi, ce truc du tribunal? Qu'est-ce qui me sort? Vous avez vraiment été ennuyé? Mais non, c'est elle. Il y a 3 filles que vous avez fait venir à la campagne. Qui était connu il est parti connu sur comme un délire, étant des prostituées. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, il est parti sur un délire, Pierre, je crois, c'est la mi-temps, on a gagné. Vous avez gagné. On a gagné 2-1. Qu'est-ce que vous vouliez savoir, Franck Dubosc? Non, je voulais savoir, t'es jamais tombée amoureuse d'un agriculteur? Non. Non? Pourquoi? Bah parce que je travaille. C'est trop dégueulasse. Ah bah bravo! Alors bah, donc, faut pas travailler. Mais tu sais, nos hommes in job. Je vais voir des personnes qui m'écrivent, c'est un peu comme les psys, tu vois, pour parler de leur âme, de leur solitude. Donc déjà, j'ai un rapport un peu de, tu vois. En revanche, je pense que le contraire est arrivé. Bah oui, il y en a. Non, bah, non, ils se disent qu'elle est inaccessible. Tu t'es fait draguer. Je me suis fait ploter, mais jamais draguer. Ploter. Ah oui, il y en a 2-3, c'est mais pour ça qu'elle ressigne. Par habitude de mec qui voulait traire. Non, mais il y en a. C'est un geste professionnel. Un peu ça. Bien sûr. C'est non, la déformation professionnelle. Il y en a un, il s'appelle Thierry. Je viens, la Noire Aude, viens. Ah non, ça passerait pas. Ah non, ça marcherait pas. Oh. Ça, tu vois. Celle-là, j'aurais pas osé. Oh, bah, c'était le nom d'une vache. Je suis désolé, oui, c'est la vache la plus célèbre. Celle qui avait son psy au téléphone. Ah, bah si, c'est vrai, pardon. C'est pas du tout parce que. J'avais même oublié que vous. J'avais même oublié que vous étiez noire. Vraiment. Non, non, mais je sais que vous, il n'y a pas de problème. Ah, vous voyez? Non. Mais. Moi, ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vexant. Et moi, je quand peux me moquer des noirs? Bah oui, toi aussi. Ah, super. Et on peut se moquer des juifs? Non. Vous regardez L'Amour est dans le pré, Franck? Ouais, ouais, là, ça fait longtemps que je peux regarder, j'adorais ça. Ça moi. Passe pas en ce moment, c'est non, normal. Non, voilà, bah, c'est pour ça. Non, mais. J'ai des raisons souvent quand je regarde pas. Mais ma femme aime bien ça, on adore cette émission. Mais oui, c'est bien, là. Oh, on l'adore, on l'adore. Qu'est-ce non, c'est vrai, mais je déconne pas. Il y a, plein de gens célèbres qui regardent L'Amour est dans le pré. Mais entre mari et femme? Aussi, oui, oui. Ah, c'est un truc de couple, L'Amour est dans le pré. Jean Dujardin, il m'a dit l'autre fois, il m'a dit je regarde tous les lundis avec ma femme. Moi aussi, je regarde avec sa femme. Mais... Dans un instant, retour des grosses têtes avec Laurent Ruquier sur RTL. Beach Party, le volume 2 de la compilation des années 60. Du rejoins. Beach Party, la plage, le soleil, le surf, les palmiers, les voitures, les vacances, comme en Californie dans les good old 60s. Revivez l'ambiance de l'émission Beach Party sur RTL dans le luxueux coffret Beach Party volume 2, 4 CD, 116 titres. Le meilleur des années 60, programmé par la voix légendaire des nuits sur RTL. Mes plaquettes de frein sont usées et j'avais pas vraiment prévu ça. Avec Oscaro.com, achetez vos plaquettes de frein sur Internet. Vous avez accès à plus de 500 000 pièces automobiles neuves, identiques constructeurs, jusqu'à deux fois moins cher. Et ce sont des pièces d'origine? Oui, en provenance des plus grands équipementiers. Bon, eh ben, je me lance. Et actuellement, pour toute commande sur Oscaro.com, gagnez avec Vinci un an de télépéage valable sur toutes les autoroutes de France. Une offre 100% gagnante, voire conditions sur le site. Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. Nous retrouvons Laurent Ruquier et ses grosses têtes sur RTL. Une question pour Monsieur Gérard Guidicelli qui habite Marseille. La question va évoquer la mémoire de Nicole Courcel, cette actrice qui nous a quitté à l'âge de 84 ans, qui était la maman de Julie Andrieux. Aujourd'hui, c'est elle, évidemment, qui est peut-être la plus célèbre des deux, mais pas pour votre génération, Pierre Bénichou, évidemment. Les jeunes connaissent mieux Julie Andrieux, sa fille, mais vous connaissiez bien, j'imagine, Nicole Courcel et sa filmographie. Elle a commencé par un film qui est un film culte, qui s'appelait Rendez-vous de Julie. Un film de Jacques Becker. Exact. Et où elle était absolument formidable. Alors justement, la question porte sur ce film qui date quand même de 1949. 49, monsieur Bénichou. L'année de ma naissance. Il avait 30 ans. Alors. Non. 39. Ce film Rendez-vous de juillet, qui date de 1949, film de Jacques Becker, qui a fait connaître Nicole Courcel, même si ce n'est pas le premier film qu'elle a tourné. Elle avait des petites apparitions dans deux films avant, mais elle a tourné dans 48 dans Les Amoureux sont seuls au monde, d'Henri Decoing, et dans Aux yeux du souvenir, de Jean Delannoy, où elle jouait une élève du cours Simon. J'imagine que c'est vraiment des apparitions. Mais son premier grand rôle, c'est vrai, c'est dans Rendez-vous de juillet. Et d'ailleurs, après ce film, Nicole Courcel a fait quelque chose que rarement des acteurs ou des actrices ont fait dans leur carrière. Elle a joué avec Jean Gabin dans La Marie du Port. Ça n'a rien à voir avec le film suivant. Est-ce qu'elle s'est arrêtée le temps de faire un enfant, par exemple? Du tout. Qu'a fait Nicole Courcel? C'est quoi, un autre film? Non, à l'issue de ce film Rendez-vous de juillet de Jacques Becker, que très peu d'acteurs ou d'actrices ont fait, peut-être même c'est la seule. Hein? Elle a grossi pour un rôle. Grossi pour un rôle. Non, mais ça n'a rien à voir avec le film suivant. Elle a changé de sexe. Non. Oh non. C'est rare. Elle a fait le tour du monde. Non. Est-ce que c'est un truc positif? Oui. Alors c'est vrai qu'on connaît mieux sa fille. Elle a offert un rôle à quelqu'un. Aujourd'hui, on connaît bien évidemment Julie Andrieux, sa fille. Mais il y avait un rapport avec son père? Non. Attends, vous nous parlez de Julie Andrieux, donc ça a un rapport avec la cuisine. Du tout. Elle a donné son cachet à une bonne œuvre. Mais j'essayais tout de même de vous mettre sur une piste. Oui, je sens. Elle est devenue cuisinière? Non. Mais c'est un rapport avec sa fille? Non, si je vous parlais de sa fille, c'était évidemment parce que ça pouvait vous mettre sur une piste. Ah oui, c'est-à-dire, elle a essayé quoi, monter un restaurant, quelque chose comme pas ça? Pas du tout. Ah, mais non, mais sa fille présente une émission qui s'appelle Fourchette et sac à dos, donc elle est partie en randonnée pendant pas un an. Pas du tout. Ah, elle est partie en voyage, non, très très loin. Pierre Bénichoux a raison, elle a tout de suite tourné après dans La Marie du Port, un film de Marcel Carnet, mais ça n'a rien à voir avec le film suivant, encore que dans le film suivant, évidemment, on pouvait faire un constat. Ah, attends, dans un film, elle a fait la fille, après elle a fait la mère. Non. Est-ce que bon. C'était un choix professionnel? Oui. Physiquement, elle a changé, donc, non. Entre les deux. Physiquement, non. De la voix. Ah, elle a appris l'anglais, elle a joué en anglais. Non. C'est dingue, ça. Changer de coupe de cheveux. Changer de nom. C'est-à-dire elle a pris le nom de son mari. Elle a repris son nom de jeune fille. Oui, parce qu'elle a pris le nom de son mari. René Andrieux était rédacteur en chef de l'Humanité. Mais ça a changé de nom des tas d'acteurs et des tas d'actrices, pardon. Oui, mais d'un film à un autre, elle l'a fait. C'est-à-dire qu'au départ, elle a commencé en s'appelant X. Et elle a... Ça va plus loin que ça. Elle a mis les deux noms. Non. Elle s'appelait au départ Nicole Andrieux. Oui. Parce qu'elle était mariée donc à Monsieur Andrieux. Exact. Voilà. Et elle a refait un film avec Gabin et elle s'appelait Nicole Courcelles. Non. Après, elle s'est appelée Nicole Courcelles. Elle a repris son nom. Son nom de. Non. Entre les deux, elle a pris un autre nom. Alors, on est tout prêt, on brûle. Elle a changé de nom. Bon, c'est vrai. Ça, ne suffit pas. Elle a changé de compagnon. Des tas d'acteurs, des tas d'actrices changent de nom. Là, je vous dis que c'est rare dans la filmographie de quelqu'un que ce genre de choses arrive. Bah, changer de nom d'un film à l'autre, c'est énorme. Non, ça arrive. Ça arrive très souvent. Xavier Deluc, Xavier Le Petit. On commence sa carrière par un ou deux films, puis après on change de nom. On n'en change pas tous les jours. Moi, je m'appelle Nelson Jones. Et je me fais après Franck Dubosc, que je trouvais que c'était plus tapant. Oui, moi aussi, c'est moi, très, très simple. Hein, vous brûlez, vous êtes à avant deux doigts carrière, de la réponse. Moi, j'étais pas juif. Hein. Vous êtes à deux doigts de la réponse, mais vous ne trouvez pas la subtilité. Des acteurs qui changent de nom, ça, il y en a des tas. Et la question n'aurait aucun intérêt autrement. Elle a changé de nom par amour. Par amour, non. Franchement, vous êtes à deux doigts. Elle a lancé un concours pour qu'on choisisse son nom. Ça, c'est bien, parce qu'au moins, vous cherchez, vous, ce que personne n'a encore cherché, c'est pourquoi elle a choisi ce nom. C'est le réalisateur qui lui a donné son nom. Non, en quelque sorte. Elle a pris pour nom le nom de son rôle. Excellente réponse de Karine Le Marchand. Ah, ça veut dire que ce serait Franck Chirac. Non, mais j'avais compris que c'était le nom de sa mère au début, c'est pour ça. Elle a gardé le nom de son personnage dans le film. Dans le film, elle s'appelle Christine Courcelles. Elle s'appelle Nicole Andrieux quand elle tourne Rendez-vous de juillet. À la fin du film de Jacques Becker, elle prend cette décision que peu d'acteurs font de garder le nom du personnage qu'elle joue dans le film. Et désormais, elle s'appellera Courcelles, comme dans le rendez-vous de juillet. C'est pas le seul truc marrant de nom de. Non, du mais film. C'était ma question. Non, c'est parce que il ne trouvait pas de titre, Jacques Becker. Il feuilletait son agenda, comme ça pour essayer de trouver un saint ou un truc comme ça. Et à la fin de son agenda, il y avait écrit « Rendez-vous le juillet ». Si vous aviez gardé le nom que vous aviez dans votre premier film, Franck, vous appelleriez comment? Gondry, Franck Gondry. C'était quel film? À nous les garçons. À nous les garçons, je crois que je m'appelais Gaudry ou Gondry, c'était le nom du chef opérateur. Et ben voilà, Franck Gondry. Vous voyez? Un jour, Gaudry. Je me suis fait arrêter par un flic, j'avais pas de casque, ou quoi, j'étais en mobylette. Quand il a fait quand il a rempli le PV, il m'a appelé Élie et Dieudonné. Enfin, c'était mon nom de famille, en fait. Alors moi, j'ai rien dit, et je me suis barré, j'étais mort de rire. C'est bien ça. Et Dieudonné. Et vous, Pierre Bénichoux, quel nom vous aviez dans le premier film que vous avez joué? Coupé au montage, c'est tellement bien. Encore? Ah oui, ça a commencé jeune, ça. Ah, j'ai été un des acteurs les plus coupés de la communauté. Non, mais sérieusement. Nicole Courcelles a choisi effectivement le nom de son personnage. Vous imaginez, si vous appeliez Franck Chirac, par exemple. Franck Chirac, ouais. Après Camping. Comment c'est venu, d'ailleurs, que le personnage s'appelle ainsi, Chirac? C'est Fabien Antoniente qui avait envie d'entendre dans les haut-parleurs du camping Monsieur Chirac et demander à la réception. C'est très drôle. C'était une envie comme ça. Puis Patrick, c'est un prénom basique. Évidemment. Parce que quand on faisait les petites annonces, pourquoi on rigolait, mais... tellement, c'était que à la seconde où on commençait à tourner, on changeait les noms. Quand on les noms de famille. Bonjour, je suis monsieur, un tel. Bonjour, je suis monsieur, gna gna gna, parce qu'à chaque fois on se présentait comme ça, et là, mais on était mort. Bonjour, je suis Gilbert Cafouin. C'est un grand spécialiste, lui, pour changer les noms de famille au dernier moment. Ça. C'était mais à mourir de rire. Bonjour, je suis Antoine Mézurel. Bonjour, je suis Patrick Foncinq. Voilà. Bon, hommage à Nicole Courcelles, née à Andrieux, et effectivement, sa fille, elle a repris le nom de jeune fille. ou plutôt le vrai nom de famille de Nicole Andrieux, qui est devenue Courcel après Rendez-vous de Juillet. Elle a joué aussi dans Papa, Maman, La Bonne et Moi avec Robert Lamoureux, évidemment, ça vous connaissez peut-être ce film. Et plus récemment à la télévision dans des séries, dans les années 80, c'était Allô Béatrice. Une très belle femme. La Vallée des Peupliers, elle a joué dans... Vous la connaissiez, vous, Nicole Courcel? Non, non, vraiment. Enfin, ça a été le grand amour de Jean Poiret pendant des années, pendant 10 ans. Hein. Amour caché. Ah oui. C'est fini. Dès qu'il y a un truc comme ça, Laurent. Mais ils ont eu des jumelles ensemble. C'est pas vrai. Oui, bien sûr. Mais comment vous nous dites des choses comme ça aujourd'hui? Parce que j'ai décidé de tout balancer. Les grosses têtes, 16h-18h sur RTL. Laurent Ruquier. Tes valises? Mais on part qu'un week-end! Bah, une pour mes affaires et une pour le shopping! Pendant les soldes sur mesbagages.com, il y a jusqu'à moins 60% sur des milliers d'articles! J'ai pas pu me retenir! Mesbagages.com, c'est plus de 15 000 bagages de grandes marques au meilleur prix, livrables en 24 heures! Avec mesbagages.com, vous ne serez pas déçus du voyage. Voir conditions sur le site. Dis, et si tu m'emmenais en voyage? Oh là, que pour ces 20 ans, Bouygues Télécom offre 5 gigas d'internet à ses clients, SMS et appels illimités depuis l'Europe. Ah bah dans ce cas, on part à la plage. On va surfer comme des malades. Mais oui. Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, découvrez le cadeau que nous vous réservons pour cet été. Appels et SMS illimités, plus 5 gigas d'internet offerts partout en Europe pendant un mois. Rendez-vous vite sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition à partir du forfait 3 gigas. Vous savez quoi? Le meilleur, c'est les mélanges. Et ça, Belfort Radler l'a compris. Si on mélange le goût affirmé d'une bière du Nord Belfort à la saveur ensoleillée du citron, si on ajoute la fraîcheur désaltérante d'une bière blonde à la fraîcheur acidulée du citron, on obtient l'étonnante Belfort Radler. Une alliance de bière et de citron. Une saveur unique, fraîche et pétillante. Belfort Radler, un zeste de fraîcheur. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. RTL. La valise est neuve. Et oui, et pour peut-être partir avec, eh bien, inscrivez-vous sur RTL.fr ou encore par SMS, code valise au 74 900. Et le tirage au sort, bien, c'est maintenant, presque. Allez. RTL. La valise. La valise RTL. Alors, cher Franck Dubosc, je vais vous demander évidemment de choisir un numéro entre 1 et 20. C'est vous qui allez avoir cet honneur, peut-être faire gagner un auditeur de RTL. Et puis, on va demander à Ellie Semoun de bien noter le nom et le prénom. Et c'est Ellie qui va appeler j'adore ça. L'auditeur désigné. Vous savez qu'à l'époque, j'habitais dans une petite chambre de bonne. Tiens, je vais remettre une bûche dans la cheminée. Et j'habitais dans une chambre de bonne et il y avait une dame qui habitait dans le... C'est l'histoire. Au fond Franck. Du couloir. Et un jour, je commençais à faire ce métier et puis elle m'a mis dans ma boîte aux lettres toute une liste de tous les chiffres. Tous les chiffres. Franck, mon petit Franck. Tous les chiffres de la. Franck pour toi. Tous les de petits boulots. Tous les chiffres. Les chiffres de quoi? Tous les chiffres de la valise. Pendant des mois et des mois et des mois et des mois parce qu'elle me dit, si jamais vous connaissez qui faisait la valise avant Fabrice. Si jamais vous connaissez Fabrice, dites-lui que je l'écoute, faut qu'il m'appelle. Et moi, je connaissais personne. Oui. Elle était dingue. Elle était dingue. Non, elle avait envie de gagner. C'est normal. Moi, mes parents notaient la valise. C'est ce que j'ai raconté dans mon bouquin. D'ailleurs, ils notaient la valise, mais on n'avait pas le téléphone, ce qui était mais encore. Non. Mais non. Oui, c'est vrai. C'est pas un gag. Ah non, c'est pas un gag. Ah, c'est extraordinaire. J'ai raconté ça dans Radiographie. Ma biographie, toujours en vente, en livre de poche. Mais c'est la vérité. Ma maman, elle notait la valise RTL, mais on n'avait pas le téléphone. Nous, on n'avait pas de stylo. Elle pouvait pas noter. On n'avait pas de doigts. Ah oui, la surenchère de misérabilisme. Oui, c'est ça. Sur une musique d'Elie Semoun. Voilà. Bon, numéro 1, 3 et 7. Le 7, monsieur Dubosc. Ouais. Il s'agit de Michel Saillet. Il habite à Lyon. Ça y est. Michel Saillet. Le pauvre. Vous pouvez préparer les rouleaux de PQ, Franck. Ça y est. Mon Dieu, le pauvre. On avait fait ça les prénoms, pas, si tu te souviens, Jean-Marie Verge. J'étais Jean-Marie Verge. Oui, c'est vrai. Les noms difficiles. Les noms difficiles. Attention, ça va sonner. Ça va sonner chez Monsieur Saillet à Aluin dans le Nord. Attends, je prends le casque. Élie, attention. C'est moi qui réponds. Non, c'est pas vous qui répondez, c'est lui. Non, je veux dire. Vous appelez. Allô. Le schizophrène. Michel, ça y est, à Lyon, dans le Nord. Michel, ça y est. Oui, Michel, mon petit Michou, c'est Patrick à l'appareil. Comment ça va, toi? On s'organise comment pour demain? Allô, mon Michou? Oh non! Ah, je suis désolé. Je vais rappeler. Faut laisser faire les professionnels. Ah, le mec. Ah, eh bien, toi, il vient de perdre 35 000 euros. Ah non, j'ai honte, là. À mon avis, c'est mal barré, quand même. Merde. Bonjour, il aurait décroché, là. Merde. On va lui laisser un message, puis on va rappeler. Je suis honteux, là. Bonjour, vous êtes dans la messagerie. On va laisser un message. Quel drame. Il fallait pas me dire. On va laisser un message. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. C'est long. Monsieur, ça y est, c'est Laurent Ruquier. Vous n'avez pas reconnu Elise Moon. Je suis désolé. Une petite blague, mais on vous appelle pour la valise RTL. Donc, on va vous laisser le temps d'écouter ce message. Et puis, on va, évidemment, ensuite. Appeler quelqu'un d'autre. Monsieur, ça y est, voilà. Non, c'était moi. Je suis désolé. J'ai voulu faire une blague. C'était pas drôle. Et on va vous rappeler tout de suite pour la valise. Allez, rappelez. On raccroche. Voilà. On laisse la valise en consigne. Il faut lui laisser le temps. Le maintenant. Temps, évidemment, qu'il écoute son petit message. Christophe Beaugrand, qu'on appelle Monsieur Meuble à TF1. Oui, bien sûr. Va, évidemment, vous chanter quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous chante, mon petit chat? Bah, je sais pas. Écoutez, mon petit chat, d'abord, ne m'appelez pas mon petit chat, je suis pas votre petit chat. Vous savez quoi, en l'honneur d'Elise Moon, je vais chanter le générique de la sitcom dans laquelle je l'ai découvert quand j'étais enfant. Ça vivement s'appelait lundi. Vivement lundi. Ah, c'est drôle. Mais comment tu connais ça? Bah, parce que je regardais ça l'après-midi en rentrant de l'école. Non, c'est incroyable. Vivement lundi, qu'on retrouve tous ses amis. Et la suite, non, c'est pas. En général, il connaît trois phrases. Ah, c'est incroyable. C'est vrai. Non, mais il connaît bien. Non, mais il est un peu comme les autistes, en fait, qui connaissent qu'une chose. Mais très très bien. Non, est-ce que tu connais Tendresse et Passion? J'avais fait. Ah oui, je m'en souviens. Ah, oui. Tendresse et Passion, le cœur a ses raisons. C'était Bibi qui chantait ça, très bien. Ouais, Bibi est extraordinaire. Bibi, le fuck? Tout doucement. Si vous voulez, je peux vous chanter Bibi. Tout fuck. Doucement, c'est tout bien. Tout doucement, oui. C'était bien. Tout doucement, fermé pour cause de sentiments différents. Oh, c'était tellement beau. Mais par Joe Star. Là, c'est bobo, là. Ouais. Par Joe Star. Tout doucement, fermé pour cause de sentiments différents. Alors, on va pouvoir rappeler maintenant. Oui, là, je pense que ça monsieur suffit. Monsieur, ça y est. Monsieur, ça y est. Ça y est, c'est fini. Ça vous rappelle pas un truc? Alors, vous me laissez. Ça y est, ça sonne. Hein. Vous me laissez lui parler parce que, quand même, là il faudrait pas quand même lui faire perdre la valise à ce monsieur. Moi, j'espère qu'il va répondre. Il a dû écouter son message. Qu'est-ce qu'il a fait une crise cardiaque tout à l'heure? Parce qu'il voit le même numéro s'afficher, en fait. Ah! Donc c'est un numéro masqué. Oh, ça me fait de la peine. Oui, mais s'il a écouté le message. Tant pis, hein. Bon, bah, il faut lui laisser un message d'excuse, Élie. Il a raison, Élie. Il doit voir le numéro s'afficher. Il se dit, c'est le même connard. Ouais. Et de fait, c'est le même connard. Alors, donne un autre numéro. Non, mais il faut qu'Élie. On va leur demander à Hanouna d'appeler pour nous. Non, il faut qu'Élie lui envoie le fric de la valise. Cher Élie Moon, vous devez 1005 euros à notre auditeur. Je vous demande de faire le chèque maintenant. Ouais, bon, bah, je vais le faire là. J'ai une petite feuille de papier là. Un abonnement à la revue 21, un abonnement à la revue 6 mois et un séjour de 3 nuits à Paris dans la suite agent secret du Seven Hotel. Pas mal, hein? Ah non, mais c'est nul, je lui paye pas ça. C'est notre speakerine qui avait rajouté ça. C'est quoi mal. La suite agent secret? À l'occasion de l'exposition James Bond 007 à la Grande Halle de la Villette, on offrait 3 nuits dans un magnifique hôtel à Paris, le Seven Hotel. Voilà. Ouais. Vous connaissez Seven Hotel? Sa vie aurait pu changer. On réessaye une fois. Allez, réessaye une fois. Quand on connaît un hôtel à Paris, c'est qu'on trompe sa femme, Pierre. Excuse-moi, mais. Ah, mais, non, mais je connais parce que c'était agent secret. Ah, d'accord. Elle était obligée d'y aller de temps en temps. Allez, on réessaye une dernière fois chez monsieur. Parce que vraiment, Élie, il lui a fait peur. Monsieur, ça y est. Ah, il fait peur, hein. Ça y est, pas du tout. Hein. T'es un peu flippé, quand même. Il veut pas, hein, monsieur, ça y est. Là, on aura vraiment se dire. On aura fait tout notre possible. Tant pis, hein. Non, mais tu sais, t'as utilisé le prénom Patrick. Ça se trouve, c'est son ennemi juré, tu vois. Ah oui, oui. Il y a peut-être un vrai Patrick. Ah, mettez-lui un message, Laurent. Mettez-lui. Allô, ça y est? C'est perdu. Bon, bah, bisous, hein. Bon, on est triste, hein, quand même, là. Ouais, alors, non, là, je me sens mal. Puis je suis sûr, sans avoir entendu sa voix, je me dis que ça doit être un brave mec. Ah oui? Ah oui. C'est le type qui reste devant le téléphone qui dit. Et en plus. Ouais, il me rappelle encore ces cons-là. Je réponds même pas. Et en plus, il avait besoin de poignard. Il entend les messages. Et on dit, il y a de l'argent là-dedans. Il faut rappeler qu'elle est de leur pognon. C'est un type qui a besoin d'argent. Il y a plein de malades dans sa famille. Ah non, arrête, ça suffit. Il a des opérations très chères à faire aux États-Unis. Il a été obligé d'annuler toutes ses vacances. Et les enfants sont morts, même. Tu devrais avoir honte. Tu me déçois. Et en plus, ça le fait marrer. Il a même pas fait le chèque tout à l'heure. Si, regardez. Ah, mais tu sais, je ne fais jamais un chèque comme ça. C'est bon, ça. Si quoi, tu c'est le fais, bon. Monsieur Elie, ouais. c'est ouais. bon. Ouais. Tu fais payer 1120 francs à monsieur. Alors que monsieur, non, pas les francs. En francs, ça y est, tu signes et tu mets le nom de ta banque. Il n'est pas seulement resté à la mi-temps du match de foot d'hier, Franck. Il est resté en 2000. Ouais. Non, non, non, c'est vrai. Non, mais non, mais Pierre, francs, Pierre, en 54. Pierre, en 1957, on pouvait faire ça, mais aujourd'hui, je vous mets au non, défi. Pas, si, j'ai lu un article dans un. Dans un journal, l'autre jour, où il le disait. Non, non, mais c'est, il faut reproduire tous les numéros. Il faut mettre exactement toutes les informations qu'il y a sur un chèque. Exactement tout ce qu'il y a dans, ouais, sur un chèque. Voyez, tu confonds avec les assignats. Les grosses têtes sur RTL. Profil Plus. C'est étrange, mais j'ai le sentiment que vous n'êtes pas entièrement satisfait de l'entretien de votre voiture. C'est dommage. Moi, je réserve mon entretien ou mes pneus sur profilplus.fr. Je ne paye qu'en magasin une fois que je suis entièrement satisfait. En ce moment, profitez d'une remise immédiate jusqu'à 80 euros sur les pneus Goodyear. Profil Plus. Profil Plus, demandez plus à vos pneus. Conditions sur profilplus.fr. Bon, prenons un élève de 3e et plongeons-le dans un nouveau collège. Sachant que la pression exercée dès septembre est proportionnelle à son examen de fin d'année, trouvez la bonne formule pour qu'il entame la rentrée sans trop stresser. Vous avez 20 secondes. Avec Acadomia, la réponse est facile. Votre enfant peut faire un stage de pré-rentrée dans un des 110 centres Acadomia en France auprès d'enseignants motivants et certifiés. Une semaine de cours adaptée pour reprendre le rythme en douceur. Renseignez-vous dès maintenant sur acadomia.fr au 0810 10 15 20, prix d'un appel local. RTL, première radio de France. Dans un instant, la suite de vos grosses têtes, il est 17h. Les infos, Olivia Loret. Bonjour à tous, le processus doit être enclenché, déclare David Cameron devant le Parlement britannique. Le Premier ministre parle évidemment de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Devant les députés, il a dit à plusieurs reprises qu'il n'était pas pour ce Brexit. Le pays a donc besoin d'un nouveau gouvernement, conclut-il. Le Parti conservateur a d'ores et déjà annoncé que son successeur sera nommé d'ici le 2 septembre. Euro de football, suite et fin des huitièmes de finale dans un peu moins d'une heure. L'affiche au Stade de France, Italie, Espagne à 18h. Vous y revenez évidemment dans RTL Soir. Marc-Olivier Fogiel, bonsoir. Bonsoir Olivia, on vous fera vivre donc cette finale avant l'heure des 18h avec Ludovic van de Kerkhove au Stade de France. Nous serons aussi avec les Bleus à Clairefontaine, les Bleus qui connaîtront ce soir leur adversaire, l'Islande ou l'Angleterre. Nous serons donc également à Nice où se joue le match à 21h. À tout à l'heure, 18h, 20h. 2000 personnes évacuées du centre commercial Lingostière à Nice en début d'après-midi, juste à côté de l'Allianz Riviera, le stade où se jouera l'autre huitième de finale de l'Euro, Angleterre-Islande à 21h. La cause, un colis suspect a été découvert vers 13h à l'entrée du bâtiment. À l'intérieur de ce sac, deux bouteilles de gaz. Le centre commercial vient de rouvrir à l'instant. En ce qui concerne l'enquête sur le crash du vol MS-804 d'Égyptair qui reliait Paris au Caire, le parquet de Paris ouvre une information judiciaire pour homicide involontaire. 15 Français étaient à bord. Nouvelle journée d'action contre la loi travail demain, c'est la 11e avec une manifestation prévue à Paris qui cette fois a été autorisée par la préfecture. Le cortège partira de la place de la Bastille pour rejoindre la place d'Italie. 2500 policiers seront mobilisés. Canal+, en clair, c'est presque fini. À la rentrée, la chaîne cryptée diffusera seulement 2 heures de programme par jour accessible à tous contre 5 en moyenne actuellement. Le zapping, l'information et spéciale investigation disparaissent des programmes. La superstar de la NBA, LeBron James, ne participera pas aux Jeux Olympiques de Rio. Il ne fait pas partie de la sélection dévoilée par la Fédération américaine. Une décision néanmoins prévisible. À 31 ans, le joueur avait indiqué la semaine dernière qu'il avait besoin de se reposer. Autre affiche de l'Euro de football, je vous le disais, Angleterre-Islande à 21h à Nice. Votre rendez-vous pronostic avec Bertrand Lacour. La tour. C'est moi, effectivement. Et ce match, il vous intéresse forcément, Olivier Loret. Il est à suivre sur RTL dès 21h et jusqu'à minuit. La France connaîtra après la rencontre son adversaire en quart de finale de l'Euro dimanche. L'Angleterre est favorite pour une victoire dans le temps réglementaire. Cote à 1,50. Le match nul est à 4,20 et la victoire de l'Islande à 10. Cote sujette à évolution. L'Angleterre a un tirage rêvé pour s'offrir un tour supplémentaire et enfin gagner un match à élimination directe dans un Euro, ce que les Anglais n'ont jamais réussi à faire. Harry Kane, le buteur de Tottenham, devrait se selon les dernières tendances débutées en pointe. Les Islandais, eux, ont déjà réussi leur compétition. Évidemment, peut-être seront-ils émoussés à chaque fois. Le sélectionneur a aligné le même 11. Pas de changement annoncé pour ce soir également. Prochain rendez-vous pronostic à 20h15 dans RTL Grand Soir d'Euro. Retrouvez les paris sportifs sur RTL avec Winamax, site de paris sportifs en ligne. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RTL. Le temps pour demain, toujours très nuageux et frais sur une large moitié nord. Dans le sud, la matinée sera nuageuse aussi, mais l'après-midi, tout va mieux, soleil et chaleur. Les températures de 17 à 33 degrés, 17 à Brest, 21 à Lille, 23 degrés à Paris, 25 à Bordeaux et 33 à Nîmes. Vous écoutez RTL, il est 17h03, c'est la suite des grosses têtes de Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours à l'occasion de la sortie de Camping 3 mercredi, Franck Dubosc. Entouré de quelques campeurs, Élie Semoun, Franck-Olivier Gisbert, Pierre Bénichou, Christophe Beaugrand et Karine Lemarchand. Et la question qui vient va être musicale, puisque Céline Dion... Si c'est musical, c'est pas Céline Dion. Mais si, c'est magnifique. Et cette chanson sublime que lui a écrite Jean-Jacques Goldman. Encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de nous, rien de tout. Oh, c'est tellement beau. C'est là qu'on comprend pourquoi le Titanic a coulé. Hein. Céline Dion est à Paris jusqu'au... Once more, you open the door. Écoutez, franchement, elle est là jusqu'au 9 juillet. Non, c'est magnifique. On peut aller à Bercy l'applaudir, si on a les moyens déjà. Oui, et puis, ça coûte très cher. Et puis, surtout, on va profiter de plus d'une vingtaine de chansons, des grands succès, des chansons un peu moins connues, puis aussi quelques chansons des autres. Elle reprend Ordinaire de Robert Charlebois. Je crois qu'elle reprend des chansons d'Elie Semoun. Elle reprend Cuitas, les Bananas de Philippe Risoli. Non, elle reprend, parmi les reprises, elle reprend une chanson qui était la chanson préférée de René. Ah. Quelle était la chanson préférée de René? Une chanson française? Une chanson française, non. La chanson préférée de René, c'est « Fais-moi ton pognon, très vite, j'ai besoin d'argent, tout de suite. » La chanson du Titanic, là, non? C'est en anglais? C'est une chanson en anglais, oui. C'est elle? Celle du Titanic? Celle du Titanic, non. Ah, c'est une chanson de son propre répertoire? Non, pas de son propre répertoire. C'était sa chanson préférée à René, et au fond, quand elle la chante maintenant, bah, elle est alors vraiment de circonstance. Ah oui. Ça parle d'une retrouvaille? Non, pas tout à fait. Je l'attendais. Si tu m'aimes, t'en vas pas. Should I stay or should I go? Non, ça c'est pour le Brexit. C'est pas René la taupe non plus. Hein. C'est quoi? Mais faites-le taire. Grand, grand, mignon, mignon, mignon, mignon, mais grand, grand. En été, tu fais de l'ombre et en hiver, tu te chaud. Et quand t'as fini de bouffer, tu nous lâches un gros pep. Ouf. T'imagines un peu. C'est une vraie parole. C'est pas fini la chanson. T'imagines quand même Céline Dion qui, en hommage à René, reprend René la taupe. La classe, mignon. C'est pas Stevie la chanson, non? Ou Dizzy? Non. Ziggy, vous voulez dire, pas Stevie. Ça marche aussi. Ça pourrait marcher. Stevie. Voilà. Il s'appelle Stevie. C'est un garçon pas comme les autres. Moi, je l'aime, c'est pas de ma faute. C'est une chanson d'amour. C'est sur la mort. C'est un standard américain. Un standard américain d'un groupe de jazz. Non. C'est sur un vieux qui se tape une jeune? Non, enfin voyons. Une chanson de Jean Clay. C'est pas One de U2, non? Non, une chanson internationale. Les Stones. Qu'elle chantait parce que c'était la chanson préférée de René. C'est un tube. Et il se trouve que maintenant, la chanson a encore une raison. What a wonderful world. Non, Michel. Ça explique, ça justifie même pourquoi elle est sur scène. Ah, The Show Must Go On. The Show Must Go On, évidemment. Hey. Queen, voilà. Ah, moi, je croyais, comme tu disais, ça explique qu'elle soit sur scène. Je croyais que c'était la chanson pour Jean Moulin, là. Résiste. Non. The Show Must Go On, vous la connaissez évidemment. Oui, non, en anglais, je chante pas. Du Freddie Mercury, tu peux pas chanter. Ah, mais, alors voilà, c'est un chantable. Chanter du René Latope et pas du Freddie Mercury. Ah, bah oui, bah, je suis quand même lucide. J'ai une autre chanson musicale et elle concerne évidemment le film Camping 3 parce qu'il y a toujours des chansons dans Camping et on les aime bien ces chansons parce qu'elles sont populaires. J'étais particulièrement heureux que dans Camping 3, il y ait cette chanson de Gérard Lenormand, signée Gérard Lenormand et Didier Barbolivien. Ah, oui. La petite valse, mais en connaissez-vous connaissez-vous les paroles de la petite valse? Ah, je la connais pas celle-là. Car si vous connaissez les paroles, vous saurez me dire ce que Gérard Lenormand propose à ceux qui ont des habits troués. Une question pour Muriel Page qui habite Enza dans le Puy-de-Dôme. Est-ce que ça rime avec troué? Est-ce que ça rime avec troué? Non. Je l'ai écouté tellement. La chaleur de mon cœur? Non. J'ai peur. Moi, je donne du rêve à tous les gens qui traînent des souvenirs cassés. Moi, je donne de la à ceux qui ont des habits. De la sève. Non. De l'espoir. Je donne de la joie. Je donne de là. C'est ça. C'est de là quelque chose. Monsieur Dubosc, c'est dans votre film quand même. Ouais, hein. Oui. Et je l'ai écouté tellement de fois. Je vais vous dire cette chanson. C'est un jour l'année dernière. Enfin, on a tourné cet été, l'été d'avant. Fabien arrive chez moi pour écrire. Je lui ai dit, Fabien, j'ai trouvé la chanson qu'on va faire chanter au jeune homme à la fin du film. Il me dit, attends, moi aussi. Et là, je lui dis, laisse-moi en premier te montrer celle que j'aimerais. Je lui ai mis Gérard Lenormand, je lui ai mis cette chanson-là, il dit, on s'arrête là, c'est la même que la mienne. Mais non. Comme ça, sans se concerter. Ouais, mais ouais, ouais. Non. La petite valse. Oui, parce que je lui avais filé le truc de Gérard Lenormand. Il y a des images dans ma tête, des manages à la fête, vaut mieux pas y penser. Il y a des jeudis sous la pluie, des mots d'amour qu'on dit, faudrait les oublier. C'est du chagrin de la romance, tous mes souvenirs d'enfance. Il y a que sur les photographies qu'on a l'air de s'amuser. Je vais pas vous la chanter en entier déjà. C'est un exploit ce que je viens de faire. C'est vachement bien. Incroyable. J'adore cette chanson. Ça chante très bien. Moi, je donne du rêve à tous les gens qui traînent des souvenirs cassés. Je donne de là à ceux qui ont des habits troués. Bah, du fil et une aiguille. On a tous de la chaleur. De la chaleur. Et après, c'est. On a tous partout pareil. Quelque chose à regretter. On se frotte les yeux au soleil quand nos larmes ont séché. On cherche deux mots. On cherche deux mots. Bon, c'est lié aux vêtements. Il y a des rendez-vous d'automne dans un café perso. Oui, bah, ça va, on a compris. Il a envie de chanter. Hein. On reste tout seul dans sa main après qu'un téléphone. On n'ose plus appeler. Est-ce que c'est lié aux vêtements? J'adore cette chanson. On n'ose plus appeler. Laissez-moi chanter, merde. Oui, ben voilà. C'est surtout ça, en fait. Il suffit que René passe et il fait une carrière comme l'autre. Ça ne pas grand-chose. C'est des mots qui ont plus de deux syllabes. Qu'est-ce que vous dites, vous? Ce sont... En fait, personne ne cherche. Alors, non. Ce sont des mots qui ont plus de deux syllabes chacun. Des mots à deux syllabes avec une syllabe muette à la fin. Trois syllabes dont une muette. Oh là là. Attends, les deux, hein. Les deux, ça fait six. Oui. Bah oui. Bah les deux mots font trois syllabes. Les deux mots font trois syllabes. Genre terre glaise. Dont chacun une syllabe muette. Terre glaise. Genre terre glaise. Tu donnes de la terre glaise à quelqu'un qui a des habits troués. Terre, c'est. C'est pas terrible. Non mais genre. Moi, je donne du rêve à tous les gens qui traînent des souvenirs cassés. De là à ceux qui ont des habits troués. Mais non. De là. De la mayonnaise. Non. De la bénédictine. Non. De la toile. Non, mais essayez pas de rimer, je pense. Est-ce que c'est lié aux vêtements, le mot qu'on cherche? Je pensais que vous connaissiez cette chanson. Non. Je devrais connaître. Ah ouais, j'ai entendu mille fois. Oui. C'est du sentiment qu'on cherche. Ouais, c'est du sentiment qu'on cherche tous, vous savez. Oui, non. Il veut pas de l'amour. De l'amitié. De l'amour. Mais non, pas de l'amour. De l'amour. Là, on cherche quelque chose de concret. Qu'est-ce qu'on donne pour des habits troués? Du fil et une aiguille. Oui, alors, mais donc c'est une machine à coudre. Mais non, enfin voyons. Un grand manteau. 300 euros pour Muriel Page qui habite Enza dans le Puy-de-Dôme. Voici la réponse par Gérard Lenormand lui-même. Je donne du rêve à tous les gens qui traînent des souvenirs cassés. De la dentelle bretonne à ceux qui ont des habits troués. La dentelle bretonne. De la dentelle bretonne. Celui qui trouve ça par déduction est un escroc. Écoutez la chanson. Parce que Ruquier l'a massacré. Des regards qui font mal, vaut mieux pas se regarder. C'est vrai que c'est beau. Il y a des trucs qu'on voudrait dire, des mots bateaux qui inspirent, mais on ne sait plus parler. Ça te fout du blues dans ton âme, de s'appeler monsieur, madame. C'est joli. Ça te prend au cœur la douleur de l'amour, amitié. C'est joli cette chanson. Moi je donne du rêve à tous les gens qui traînent des souvenirs cassés. De la dentelle bretonne à ceux qui ont des habits troués. De la dentelle bretonne, ce sera dans Camping 3 qui sort mercredi. Je vous plairai à ce moment-là. Que quelques secondes avant la mi-temps, ah là là, quelle pression, il faut absolument garder l'avantage. Mais siffle. Allez, regarde ton chrono. Ouais. Coup d'envoi dans votre micro-ondes avec les burgers Charal, vous allez aimer la mi-temps à découvrir au rayon boucherie surgelé. Charal. Pour votre santé, bougez plus. RTL, première radio de France. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. En France, notre artisanat est reconnu dans le monde entier. On a le souci du détail. Dans nos métiers, quand on choisit nos outils ou nos matériaux, on veut de la qualité et de la fiabilité. Pour mon véhicule utilitaire, j'ai donc choisi le numéro 1. Chez Renault, l'excellence est fabriquée en France. La gamme Renault Pro Plus Euro 6 est à partir de 7 990 € hors taxes. Prix d'un Kangoo Express Compact Énergie DCI 75,6 € incluant 4 360 € de remise et 1 500 € de prime reprise d'un véhicule de plus de 4 ans. Réservé aux professionnels jusqu'au 31 août, voire Renault.fr. Géant. Géant prend toujours soin de votre pouvoir d'achat. En ce moment, profitez d'une offre exclusive. Le troisième pack de 8 bouteilles d'Evian de 1,5 litre est gratuit. Soit pour 3 packs d'Evian achetés, le pack à 2,61 € au lieu de 3,92 €. Passez un été économique et rafraîchissant avec Géant. Les prix bas, c'est Géant. RTL. Allez, direction Auteuil tout de suite avec vous, Bernard Glaze, bonjour. Bonjour Isabelle, pour l'arrivée du quintet, que je vous rappelle, la bonne combinaison, le 11, le 6, l'As, le 10 et le 4, le numéro plus 601, je vous indiquais cette bonne combinaison dans le désordre ce matin. Arrivée, merci, arrivée de la sixième course, vous m'avez perturbé, c'est le 6 Isabée qui l'emporte 22,60 et 4,50, bien entendu pour vous, oui. Devant le 8 Vocalise, 1,50, 3e place pour le 2 Docteur de Ballon, 4,40, 4e place pour l'As d'Autoré. Et puis la 7e vient d'avoir lieu, c'était un pic 5, le 2 était non partant. C'est le 12 Cadaric qui s'impose au poteau, à 2 contre 1 devant le numéro 1 Shelford qui était à la. Le 3 Shelford qui était à 4 contre 1. 3e place pour l'As Roquevres qui était à 2 contre 1. 4e place pour le 4 Vieux Morvan et 5e place pour le 6. 12, 3, As, 4 et 6. L'arrivée vient juste d'avoir lieu. Les rapports, bien entendu, les résultats complets pour demain. Le répondeur 3210 et le site de refaitlescourses.fr. Alors à demain, Bernard. À demain. Oui. Allez, retour dans le grand studio de RTL avec Laurent Ruquier, ses grosses têtes. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Bonjour Yolande, Yolande Renard, oui, qui habite Loudéac, en Côte d'Armor. Ah, oui, ah bah justement, bonjour. Vous avez de la dentelle bretonne? Oui, un petit peu. Vous auriez trouvé, vous avez entendu? Oui, oui. Ah, j'avais trouvé. Eh ben oui, vous la connaissez, vous, cette chanson, évidemment. Voilà. Yolande, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah, je suis retraitée. Mais retraitée de quoi? De la dentelle bretonne. Je suis retraitée de la fonction publique. Ah, vous avez 42 ans donc. Non. Oh, oui. J'aimerais bien. Elle a 62 ans, Yolande. Et elle écoute les grosses têtes régulièrement. Et elle va peut-être partir grâce à RTL dans un magnifique hôtel, 4-5 étoiles. Écoutez, vous avez un bon d'achat à valoir sur le 4 ou 5. Mais parce que c'est elle qui choisira. Ah. Elle ira sur le site verichic.com. C'est un site de vente privée d'hôtels extraordinaire sur Internet et sur Verichic. Elle aura un bon d'achat de 500 euros. Et avec ces 500 euros, elle choisira ou un 4 ou un 5 étoiles parmi tous les hôtels de France qu'elle trouvera sur le site internet verichic.com. C'est mieux, vous choisissez où vous voulez aller comme ça. Ah bah c'est bien. Hein, c'est bien Yolande. Ah, pas bien. Mais pour ça, il faut bien connaître la série des films camping, puisque c'est le sujet du jour. Voilà. Notre ami Franck Dubosc est là aujourd'hui pour nous à l'occasion de la sortie de ce numéro 3 de la série à succès, réalisée par Fabien Antoniente. Évidemment, Patrick Chirac, c'est le rôle joué par Franck Dubosc. Mais comment s'appelle Claude Brasseur dans Camping? Alors, je regarde. Elle est honnête. Moi, elle est honnête. Ah oui, il est con. Hein. Claude Brasseur. Il va toujours au même emplacement. Ah, en tout cas, je sais que c'est le papa de Sophie Marceau, non? Dans la boum. Oui, c'était le papa, oui, il me semble bien. Oui. Il s'appelle Vidocq. Elle est marrante. Allez, cherchez vite. Claude Brasseur. Ah, ça va vous piquer les yeux, là, si vous vous perdez. C'est l'homme qui tombe. Ah. Ouais. C'est presque. Mylène de Mongeau qui joue sa femme. Oui, je sais, c'est sa femme. Monsieur et madame. L'homme qui tombe. Je suis l'homme qui tombe. L'homme qui tombe à pic. Oui, mais ça, c'est. Ça, c'était pas la question. Non. On essaye. Là, on essaie de vous aider, voyez, mais. Oui, bah oui, je sais bien, oui. Alors, il s'appelle Jackie. Ah, zut. Bon, alors là, franchement, on a tout fait. Franck, il s'appelle. Mais je sais, non, je vois pas. Il s'appelle. C'est ni trèfle, ni carreau, ni cœur. Il s'appelle Jackie Pic. Jackie Pic, quand même. Non, mais c'est vrai que ça m'est. Bah, elle l'a dit. Ah, bah non, elle l'a pas dit. Ouais, elle l'a dit. Mais non, elle a dit l'homme qui tombe à pic. Bah, oui, bah, il s'appelle Pic. Bah, oui, elle a dit Pic. Enfin, il s'appelle. On a essayé quand même. Il s'appelle pas Monsieur l'homme qui tombe à pic, vous voyez. Ah, mais il aurait pu. Il aurait pu, oui. Yolande, vous allez recevoir une montre RTL.

la question culturelle. Ah, la culture, il est fort. Bonjour Gwenaëlle, je vais vous appeler Gwenaëlle, comme ça je n'aurai pas à écorcher votre nom de famille. Bonjour. Bonjour. C'est votre nom de famille, votre nom de femme mariée. Ah, non. Mais laisse-la tranquille. Bah oui. Et comment je dois le prononcer alors? Van Butzel. Van Butzel. Ah bah c'est très beau. Ouais, je l'avais bien dit finalement. Ouais. Il a ouvert ce week-end le musée du gendarme de Saint-Tropez alors? Alors oui, c'est le musée de la gendarmerie et du cinéma de Saint-Tropez. Il a ouvert hier avec déjà 600 visiteurs. Ah ouais? 600 non. visiteurs. Et dans la vraie gendarmerie de Saint-Tropez ou celle qui a servi au tournage? Alors c'est dans le bâtiment mythique de la gendarmerie de Saint-Tropez, donc qui a servi au tournage et qui était véritablement une gendarmerie. Ah. Parce que la brigade de gendarmerie de Saint-Tropez était dans ce bâtiment de 1879 à 2003. Et il y avait quoi depuis là, à cet endroit-là? Alors depuis 2003, rien. Et donc voilà, c'est une bonne idée d'en avoir fait un musée, sauf que le musée n'est pas uniquement consacré aux gendarmes et à la série de, évidemment mythique jouée par Louis de Funès, mais au cinéma en règle générale et... Aux films tournés à Saint-Tropez. À tous les films tournés à Saint-Tropez. Il n'y en a tant que ça ? Il y en a 77 quand même. Ah ouais. Est-ce qu'il y a la série Sous le soleil aussi ? Oui, on évoque aussi la série Sous le soleil. Ah, formidable, formidable. Quels autres célèbres films ont été tournés à Saint-Tropez alors ? Le mépris. Par exemple, Et Dieu créa la femme... Oui, la piscine, l'année des méduses, ah, oui, les billes, Saint-Tropez Blues. Saint-Tropez Blues. Est-ce qu'il y a aussi ce film de Max Pécasse, on boit, comment ça s'appelait? On boit frais à Saint-Tropez. On boit frais à Saint-Tropez ou je sais pas quoi. Oui, mais alors lui, on l'évoque pas dans le musée. Étonnamment. Mais je vais vous dire, c'est dommage parce qu'il en a fait beaucoup. Je crois que tous les étés, il tournait à Saint-Tropez. Il fait les enfoirés à Saint-Tropez. Ouais, il y avait, c'était Balima. C'est, bah ouais, mais Saint-Tropez quand même dans le titre. Pourquoi pas lui? Quel est ce racisme? Cet ostracisme contre Max Pécasse. Non, c'est pas du racisme, mais c'est que c'est un musée accessible aussi aux enfants, donc on veut pas choquer. C'est pas un auteur X, Max Pécasse. Non, mais... temps en temps, on croise un cul, mais. c'est un peu attends, comme ça, Saint-Tropez, comme ça. Dans les gendarmes de Saint-Tropez aussi, il y a des. Oui, des bien sûr. Oui, il y a des qui n'a pas vu un fion en vacances. Non, mais il y a eu des vrais films érotiques tournés à Saint-Tropez. Ah oui, mais alors ça, il n'y a pas les films érotiques dans le musée, c'est normal. Non, en fait, en analysant les films tournés à Saint-Tropez, on s'est rendu compte qu'il y avait des thématiques assez récurrentes dans différents films, et c'est ce qu'on a essayé de développer. Le soleil, Ouais, si vous commencez avec les thématiques récurrentes, vous n'aurez jamais camping. Hein, je voulais entre camping. Les thématiques récurrentes, non mais je te jure. La thématique récurrente sur les films de Saint-Tropez serait pas le soleil. Évidemment, la plage. Quand même. La pétanque aussi. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce musée alors? La casquette. Alors on a un premier espace consacré à l'histoire du bâtiment et du corps de la gendarmerie. Donc là, on a reconstitué un bâtiment, enfin le bureau des gendarmes, comme on voit dans les films. Mais des gendarmes donc de Saint-Tropez ou des gendarmes de pas des gendarmes. Ben les deux, puisqu'en fait, pour le film Les gendarmes de Saint-Tropez, ils se sont rien n'a été tourné dans le bâtiment, c'était tourné au studio La Victorine, mais ils ont reproduit exactement les bureaux comme ils étaient dans la gendarmerie de Saint-Tropez. Un faux décor. Donc on va voir le bureau de Cruchot, de Gerbert, etc. Cruchot. Voilà. Il y a un espace aussi consacré à l'introduction sur l'histoire du cinéma de Saint-Tropez. Et là, vous êtes accueillis par Louis de Funès en bronze à taille réelle. Ah. C'est une sculpture de Funès. Enfin, il nous accueille, il nous parle pas beaucoup du coup s'il est en bronze. Non, mais vous pouvez vous prendre la photo à côté de cette sculpture. On est sûr que la photo sera nette parce qu'il bouge pas. J'en ai toujours rêvé, moi. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais toi, tu détestes. D'être à côté, pris en photo à côté d'un bronze de Funès. Non, mais il déteste de Funès. Moi, dès que j'ai trois sous, je descends en vélo à Saint-Tropez, je fais ça. Eh bien, écoutez, on vous remercie, ma biche. Et bonne chance pour la suite de votre musée. Merci. Les grosses têtes, 16h-18h sur RTL. Bon. Prenons une élève. Petit 1, elle est passée en classe de 4e de justesse. Petit 2, son début d'année s'annonce un peu fébrile. Question, comment l'aider à réussir son premier trimestre dans les meilleures conditions? Vous avez 20 secondes et pas de calculette. Avec Acadomia, la réponse est facile. Vous pouvez dès maintenant, pour la rentrée, réserver les cours particuliers de votre enfant. Accompagné par un enseignant spécialement dédié, il pourra améliorer ses connaissances et ses méthodes de travail. Renseignez-vous sur acadomia.fr ou 0810 10 15 20, prix d'un appel local. Carrefour Market fête ses clients. J'adore votre fête, ça réveille en fanfare. Vous me proposez quoi aujourd'hui? Le meilleur des réveils, Michel. Market fête ses clients avec une sélection de prix choc. Par exemple, jusqu'au 3 juillet, la cafetière à dosette Tassimo, prête en un clic, est à seulement 29,90€. Oh, ça me plaît, c'est une cafetière à dosette! Une offre comme ça, c'est à saisir rapido. Alors, servez-moi illico. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Multi-boisson, tasse 2002. Magasin participant sur carrefourmarket.fr. Et voici venu le temps des vacances. Après un an de labeur, les Français savourent enfin un repos bien mérité. Cet été, près de 60% des Français ne partiront pas en vacances. Pour célébrer les 80 ans des congés payés, Campéol défend le droit des vacances pour tous. Réservez votre séjour avant le 1er août. Campéol offrira un séjour équivalent à une famille suivie par le Secours Populaire ou Avenir Social. Campéol, plus de 80 destinations d'exception à découvrir sur campéol.com ou en composant gratuitement le 3004. L'esprit du camping, c'est Campéol. Chérie, pour les vacances, t'oublies pas qu'on prend ma mère. Ça, je suis pas prêt de l'oublier. Quoi? Je disais, j'emmène la voiture chez Euromaster. Ta mère sera plus tranquille. En plus, ils font des super remises. Alors là, je te tire mon château. Et oui, avec Euromaster, meilleure chaîne de magasins automobiles, entretenir sa voiture devient un jeu d'enfant. Profitez d'offres expertissimes sur les freins, la clim, la révision et la vidange avec Bosch et Shell. Euromaster. Pneus et entretien véhicule. Vous êtes entre de bonnes mains. Jusqu'au 21 août. Conditions sur Euromaster.fr. Dis, et si tu m'emmenais en voyage? Oh là, parce que pour ces 20 ans, Bouygues Télécom offre 5 gigas d'internet à ses clients, SMS et appels illimités depuis l'Europe. Ah bah dans ce cas, on part à la plage. On va surfer comme des malades. Mais oui. Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, découvrez le cadeau que nous vous réservons pour cet été. Appel et SMS illimités plus 5 gigas d'internet offerts partout en Europe pendant un mois. Rendez-vous vite sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition à partir du forfait 3 gigas. Jusqu'à 18h, les grosses têtes de Laurent Ruquier. Nous retrouvons Franck Dubosc, Élie Semoun, Karine Le Marchand, Franz-Olivier Gisbert, Pierre Bénichoux et Christophe Beaugrand. La valise RTL n'a pas été gagnée tout à l'heure, je vous le rappelle, monsieur Élie Semoun. Oh, grâce mais... à qui hein, voilà, mais encore une fois, j'ai fait économiser de l'argent à RTL. Non, mais il n'a toujours pas fait le chèque. Hein. Et en plus des 1 500 euros de l'abonnement à la revue 21, abonnement à la revue 6 mois, 3 nuits à Paris dans la suite, agent secret du Seven Hotel, j'ajoute maintenant une valise spéciale Camping 3. Une valise dans la valise? Oui. La valise spéciale Camping 3, c'est pour fêter évidemment la sortie du film avec Franck Dubosc, contiendra la bouée homard du film, un frisbee, un jeu de cartes, mais aussi, écoutez bien, un séjour camping d'une semaine pour 4 à 6 personnes en mobilhome family chez Campéol. Campéol, c'est plus de 80 campings d'exception en France, en Espagne, en Italie et au Portugal. Génial. Les pieds dans l'eau, des vacances réussies. Unique au cœur des Landes, vous irez au camping Les Tourterelles, accès direct à la grande plage. C'est à Saint-Giron-Plage, des vacances confortables, dépaysantes. Vous pourrez assister au coucher du soleil depuis le camping. Vous serez au plus près de l'océan. Un spot idéal pour la pratique du surf, du vélo et de la marche. À 200 mètres de ce camping, la station balnéaire de Saint-Giron-Plage avec ses bars, ses restaurants, ses boutiques, son épicerie, ses écoles de surf. De surf? Vous êtes sûr de surf? De surf. Ah, de surf. Très bien. L'honneur est surf. Retenez juste, une semaine spéciale camping 3 pour 4 à 6 personnes. Un séjour Campéol. Voilà ce qu'il y a dans la valise. Eh ben. Une citation maintenant pour monsieur Renaud Godillière qui habite Montfaucon dans le Doubs, qui a dit « Il ne faut jamais avoir plus d'enfants que de vitres à sa voiture ». Attends, j'essaie de la comprendre. Ouais. Et pourquoi? Bah pour qu'il regarde à la fenêtre. Oui, exactement. Oui. C'est logique. Sinon, il se bat pour regarder le paysage. C'est contemporain. C'est vivant. Français. C'est français. Il ne faut jamais avoir plus d'enfants que de vitres à sa voiture. C'est quelqu'un qui aime bien la... Une femme. C'est quelqu'un qui aime bien l'humour absurde. Oui, un peu. Oui. Chantal Latsou. Chantal Latsou, non. Ah oui, tu m'aimes bien. Muriel Robin, non. C'est une humoriste? Une humoriste. Anne Roumanoff? Anne Roumanoff, non. Michel Laroque? Foresti, non. Michel Laroque, non. Non. Bon là, on va les avoir toutes faites. Une humoriste qui a fait les grosses têtes pendant de longues années. Sylvie Joly, non. Non. Elle fait des one woman shows? Oui, aussi. C'est quand même pas Chantal Latsou? Ce n'est pas Chantal Latsou. Elle est vivante? Elle est vivante, bien vivante. Isabelle Mergo? Isabelle Mergo, non. Valérie Lemercier? Valérie Lemercier. Elle ne fait plus les grosses têtes? Elle fait plus, mais elle m'a promis qu'elle reviendrait bientôt et je l'espère parce qu'elle est très amusante. Il ne faut jamais... Oui. Bérangère Krief. Bérangère Krief, non, mais elle est déjà venue, Bérangère. Elle est âgée un peu? Oh, âgée un peu. Si elle nous écoute, je vais dire non. Marianne Sergent? Si elle nous écoute pas, je vais vous dire, elle n'est pas d'hier. D'accord. Elle est petite. Elle est petite. Elle n'est pas petite, elle est... Mais elle n'est pas d'hier.

La Bourse en direct sur RTL en partenariat avec Les Échos et Investir. Nous retrouvons Sylvie Aubert. Sylvie, bonsoir. Bonsoir Isabelle. Alors, l'onde de choc du Brexit se fait encore sentir sur les marchés. Et c'était attendu. Le manque de visibilité dû à la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union pèse encore lourdement sur les actifs à risque comme les actions. Le CAC qui avait plongé de 8% vendredi, eh bien, il cède encore 3% aujourd'hui et repasse sous les 4000 points, 3980. L'indice FTSE de Londres et le DAX de Francfort cèdent aussi respectivement 2,5% et 3,2%. Alors les opérateurs qui détestent les incertitudes se posent évidemment de nombreuses questions auxquelles ils ne peuvent absolument pas répondre dans l'immédiat, à commencer par le calendrier de ce fameux Brexit. Les uns veulent aller le plus vite possible, plutôt les Européens, tandis que les Anglais, au contraire, mettent le pied sur le frein. Alors sur le marché d'échange, eh bien, cela se traduit par une nouvelle faiblesse de la livre à 1,3230. C'est quasiment un plus bas historique. Et du côté des valeurs, eh bien, les valeurs Brexit restent attaquées. Parmi elles, on retrouve les financières, Société Générale, moins 9% aujourd'hui, AXA, moins 10, BNP Paribas, moins 8,7, Crédit Agricole, moins 7. Quant aux valeurs de transport, eh bien, elles restent à la peine. À Londres, EasyJet, qui a lancé un avertissement sur ses résultats, plonge de 20%, et à Paris, Groupe Eurotunnel perd encore 17%. Alors, du côté de la barrière, de l'autre côté de la barrière, on retrouve bien sûr les traditionnelles valeurs refuges comme Sanofi. Et Sanofi, eh bien, c'est la seule valeur en hausse du CAC 40 aujourd'hui. Elle gagne moins de 1%. Bonsoir Isabelle, à demain. Et à demain, Sylvie. RTL, première radio de France. Allez, tout le monde cherche maintenant les grosses têtes, vous, moi, tout le monde. RTL. Mais qui est l'invité mystère ? Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous allez bien ? Oui, vous. Pas mal. La voix est déformée, elle est grave en tout cas. Oui, mais vous êtes un homme, là. Ah bah oui, ça c'est un garçon. Ah, voilà. Est-ce que vous êtes un homme plutôt très viril ? Je sais pas. Avec des poils ? Oui. Oui. Ah, j'adore. De la barbe un peu ? Oui. Oui, ah, il a de la barbe. Attends, c'est de la barbe ou c'est mal rasé ? Barbe de 3 jours ou barbe plus de 3 jours ? 3 jours. Donc il est métrosexuel. Métrosexuel. Est-ce que vous êtes Christophe Beaugrand ? Exactement. Il est là, Christophe Beaugrand. C'est vrai qu'il est bien poilu. Hein. Oui, c'est vrai. Parce qu'on est sur des questions capillaires. Est-ce qu'il y a quelques cheveux blancs ? Non. Aucun. Il y a des cheveux. Il y a des cheveux quand même. On dirait qu'il rose. Vous êtes. Et vous les teignez vos cheveux ou pas ? Est-ce que vous êtes musclé ? La lumière, vous les teignez ? Non. Est-ce que vous êtes musclé, invité, ou sportif en tout cas ? Non. Ah. Elle est déçue, hein, Karine. Vous faites attention à votre apparence quand même ? Oui. Est-ce que vous êtes du genre à vous habiller chic en costume, cravate ? Non. Bah, vous avez quand même un petit code vestimentaire à vous, on peut le dire. Oui. Ouais, vous êtes sale ? Attends, enfin, un petit code vestimentaire, genre vous mettez pas de chaussettes. Et on vous voit beaucoup en ce moment à la télé parce que vous êtes en promotion pour quelque chose. Oui. Est-ce que vous êtes connu ? Vous aimez ça, passer à la télé ? C'est nouveau. Est-ce que vous... nouveau, ça veut dire que vous débutez votre carrière ? Oui. Ah, c'est un petit jeune. Est-ce que vous êtes en couple ? J'aime pas répondre à cette question. Ça veut dire qu'il a envie de plaire encore à d'autres filles. Mais qu'il ose alors, pas. Est-ce que vous avez un fan club de jeunes filles ? Je pense qu'elles sont un peu plus âgées que... Ah, vous avez un fan club de vieilles, en fait. Est-ce que c'est une nouvelle carrière que vous engagez, puisqu'apparemment... Oui. Voici un premier indice musical. J'essaie de t'oublier. Ça vous rappelle quelque chose, cette chanson, Invité Mystère ? Oui. Évidemment. Est-ce que ça rappelle quelque chose à mes grosses têtes ? À Pierre Bénichoux, rien, ça c'est sûr. C'est la chanteuse, c'est... Vita. C'est Vita. Est-ce que vous avez déjà chanté avec elle ? Non. Vous avez écrit pour elle, peut-être ? Non. Non. Vous aimez bien la chanson ? Non, on s'en fout. Oui. Si, oui, quand même. Pierre, vous avez une question à poser ? Oui. Est-ce que on vous voit à la télé avec quelqu'un d'autre et vous êtes un couple de deux, en général ? Ouais, excusez-le. Est-ce que vous Est-ce qu'on est en fin de saison? Vous êtes un trio de quatre. Est-ce que vous êtes une bande de cons, vous tous? Est-ce que c'est l'auteur de la chanson qui a un rapport avec vous, ou est-ce que c'est ce que dit la chanson qui a un rapport avec vous? Non, c'est la chanson elle-même. Est-ce que vous avez été rendu célèbre par une émission de télévision? Oui. Voici un autre indice musical. La télé-réalité. La France. Garder la foi quand tout est joué d'avance. C'est une chanson de Didier Barbelivien, extraite d'une comédie musicale qui s'appelait La France, Marie-Antoinette et le Chevalier de Maison Rouge. Oula. Vous avez participé à cette comédie musicale, il paraît. Oui. Eh oui. Ah oui, non, et Christophe oui. Beaugrand pense à Amir, à notre oui. candidat à l'Eurovision. Oui. La France, j'ai pensé. Êtes-vous Amir? Non. Amir, ah, oui. Est-ce que vous venez de banlieue parisienne? Oui. Ah, vous êtes un peu wesh-wesh ici, la famille, quoi. N'importe quoi. Vous chantez. Wesh, vous chantez. Le cliché est plutôt pas mal. Quand on vient de banlieue, on est forcément wesh-wesh. Bravo. C'est Karine Le Marchand, hein, c'est pas nous. Dans le cliché, c'est quelqu'un de susceptible. Alors donc, vous êtes chanteur? Oui. Donc, est-ce que vous jouez d'un instrument, pardon, sur scène? Non. Voici un autre indice musical. Réfléchissez bien, on revient dans un instant après la pub. Jusqu'à 18h, les grosses têtes. Laurent Ruquier sur RTL. Business Affaires. EDF Entreprises développe des solutions simples pour optimiser l'efficacité énergétique de ses clients. L'expertise d'Anne-Marie Gaudin d'EDF Entreprises, c'est dans un instant. Business Affaires. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Tes valises? Mais on part qu'un week-end! Bah, une pour mes affaires et une pour le shopping! Pendant les soldes sur mesbagages.com, il y a jusqu'à moins 60% sur des milliers d'articles! J'ai pas pu me retenir! Mesbagages.com, c'est plus de 15 000 bagages de grandes marques au meilleur prix, livrables en 24 heures! Avec mesbagages.com, vous ne serez pas déçu du voyage. Voir conditions sur le site. Il faut que je pense à faire ma vidange. 20 000 km, c'est la limite. Mais mon budget aussi est un peu limite. Avec oscaro.com, vous pouvez facilement effectuer vous-même votre vidange. C'est possible. Oscaro.com vous propose un kit de vidange adapté à votre véhicule. C'est vraiment simple et très économique. Je me lance. Et en ce moment, avec oscaro.com, vous pouvez gagner des centaines de cadeaux Disney Pixar Cars, des home cinéma, des lecteurs Blu-ray, des appareils photo, des DVD. Voir conditions sur le site. Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. RTL. Suite des indices de Laurent Ruquier. RTL. Devinez qui l'invité mystère. Je crois que j'ai les grosses têtes les plus crétines du jour. On entend Kenji, ils me mettent tout sur un bout de papier. On l'a mis avant. On l'a mis avant. Mais c'est pas Kenji de toute façon. Ah non, mais ça y est, je l'ai bien sûr. Est-ce que je vous adore? Oui. Voilà. Ah, voyez, oh. Franck. Ah. Mais comment tu le connais? Peut-être que je l'adore aussi depuis plus longtemps que toi. Eh ben, bravo, j'ai du mal à dire du boss. Mais je crois que c'est à peu près ça, oui. Ouais, j'ai du mal à vous lire, hein, je dois dire. C'est ça. Tu l'adores et tu sais même pas l'écrire. Mais si, je sais l'écrire, c'est ce que j'écris mal. Vous êtes donc Sheila. Non, je sais, mon fils l'adore. Ah, et ça y est, Christophe Beaugrand aussi a identifié notre invité mystère. Je vais donner un autre indice pour les autres. Restent les murs porteurs, des amis en béton, un frère ou une grande sœur, pour voir à l'horizon. Restent les murs porteurs, pour tenir la maison. Surmonter ses peurs ou vaincre ses démons. Tout le monde aura compris maintenant que vous avez fait The Voice. C'était votre coach, Florent Pagny? Oui. Oui. Alors, ce qui est horrible, vous savez, Laurent, c'est que je prends jamais de photos avec les gens connus. Mais là, si, oui, pour frimer devant mon fils, j'ai honte. Ah, oui. Pour frimer devant mon fils, je lui ai envoyé la photo. Il était épaté par son père pour une fois.

jusqu'à 18h. Les grosses têtes sur RTL. Bah chérie, tu déménages ? Ben non, je prends pas les affaires pour les vacances. Mais on va encore être chargés comme des bulles. Et les pneus vont jamais tenir. T'inquiète, tu vas chez Euromaster, ils font des super remises. Fonce mon cœur ! Eh oui, avec Euromaster, meilleure chaîne de magasins automobiles, entretenir sa voiture devient un jeu d'enfant. Pendant les expertissimes Euromaster, jusqu'à 80€ offerts pour l'achat de pneus Michelin. Euromaster ! Pneus et entretien véhicule. Vous êtes entre de bonnes mains. Jusqu'au 31 août. Devis, achat et conditions sur Euromaster.fr. Si le canapé, je le mettais plutôt ici et la table comme ça. Du coup, l'étagère, je la mettrais là et la lampe ici. Voilà. Il ferme le coffre. En ce moment, c'est les soldes chez IKEA. Profitez de prix encore plus bas sur des milliers d'articles signalés en magasin. À condition de tout rentrer dans le coffre. IKEA. Dans la limite des stocks disponibles. Dis, et si tu m'emmenais en voyage? Oh là, Que pour ses 20 ans, Bouygues Télécom offre 5 gigas d'internet à ses clients, SMS et appels illimités depuis l'Europe. Ah bah dans ce cas, on part à la plage. On va surfer comme des malades. Mais oui. Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, découvrez le cadeau que nous vous réservons pour cet été. Appels et SMS illimités plus 5 gigas d'internet offerts partout en Europe pendant un mois. Rendez-vous vite sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition à partir du forfait 3 gigas. Toute l'info tout à l'heure à 18h avec RTL Soir, présenté par Marc-Olivier Fogel, qui recevra à 18h20 José Bové, le oui en tête lors du référendum de Notre-Dame-des-Landes. Faut-il respecter le verdict des urnes? Et puis 18h35, Maurice Lévy, président de Publicis, dont 3 jours commence la première édition de Viva Technologie organisée par Publicis. Allez, tout de suite, nous retrouvons Laurent Ruquier, ses grosses têtes et l'invité mystère. Le public applaudit encore Slimane, qui nous a chanté Paname. Magnifique, superbe. Ah oui, tout le monde a apprécié cette chanson extraite de ce premier album À bout de rêve qui sortira le 8 juillet précisément. C'est ça. J'ai dit 9 juillet tout à l'heure, j'avais un jour de retard. Mais bon, le 9, il y en aura encore. Remarquez, non, je vous souhaite qu'il n'y en ait plus déjà le 9, mais enfin quand même. De toute façon, maintenant, aujourd'hui, on achète généralement sur des plateformes légales. Donc 8, 9 et tout le mois de juillet. À mon avis, vous allez faire un carton avec cet album parce que votre voix est très belle, les chansons sont bonnes. Vous écrivez, vous composez? Oui. Cette chanson, par exemple? Oui, cette chanson et l'album, j'ai composé, écrit 90%, je crois. Ça veut dire que vous étiez prêt, parce que vous avez gagné il n'y a pas très très longtemps, vous aviez déjà les chansons prêtes, ça va être sorti. En fait, j'écris depuis que je suis tout petit, ça fait plusieurs années que je vis de ce métier-là, et voilà, la maison de disque m'a laissé la carte blanche pour faire cet album, du coup, j'ai pu y mettre mes chansons et travailler avec elles. Et sortir vite, du coup. Voilà. Bah, c'est ce que vous demandent évidemment généralement les journalistes, et vous dites, bah, en fait, ça fait 10 ans que je le prépare, cet album. C'est ça. Et oui. Mais moi, j'en avais au moins 3-4. Des albums. Comme ça, ou... cette chanson, en fait, à la base, c'est un up-tempo et j'ai fait une version spéciale pour aussi. Oui, c'est plus rythmé en principe. Ah, d'accord. La version qui passe en radio. Ça, c'est joli. Hein. C'est toute notre vie. Magnifique. On est quasiment tous venus de province. Oh, ça va, vous, wesh wesh. le marchand, hein. Wesh wesh, la famille, c'est ça. Vous pouvez l'engueuler maintenant, Slimane. C'était une question. Tu peux pas te rattraper comme ça, t'es méchante. Ah, il y a une chanson qui va beaucoup plaire à Christophe Beaugrand parce que j'ai écouté. Alors, c'est pas tout l'album. Voilà, ça doit pas être la meilleure. Faites une reprise de La Grande Zoa. J'ai écouté 5 chansons. Il y aura combien en tout sur l'album? 11. 11. Alors, moi, j'ai eu le droit à 5 chansons. J'ai écouté les 5 premières qu'on m'a données. Le Vide, très joli d'ailleurs. Adieu, L'Enfant de la Rue. Et alors, il y a une chanson, franchement, qui normalement, pour le présentateur du loto que vous êtes, devrait vous plaire, Christophe Beaugrand. Ça s'appelle Le Million. Ce soir, je vais gagner le million, le million, le million. J'imagine l'ambiance à la maison. Le million, le million, le million. J'imagine la gueule de mon patron. Le million, le million, le million. La nuit j'en rêve et pour de bon. Mon cœur s'emballe, j'ai fait bonne pioche, 10 fois la mise. Je rallume une clope, je fais mes calculs, je suis pas une cloche. J'ai le champagne, mais pas le yacht. 100 balles, mes chances augmentent. Et puis faut dire que j'ai le bon piston, selon les cartes de la voyante. Ce soir je vais gagner le million, le million, le million. J'imagine l'ambiance à la maison. Ça va marcher aussi, hein, le million. Je vous le conseille comme deuxième single. Ah oui? Ah ouais, franchement. La Française des Jeux présente. J'ai trouvé mon partenariat. Ah bah, voilà. Bah, il en faut aujourd'hui. Hein. Alors, j'ignorais, puisque effectivement, comme beaucoup d'entre nous, pas tous, hein, parce qu'effectivement, tous ne regardent pas The Voice, mais moi, je fais partie de ceux qui regardent, pas forcément chaque semaine, mais j'ai quand même suivi pas mal d'émissions sur la dernière saison, et donc je vous avais vu. Vous étiez d'ailleurs parmi les favoris dès le départ, faut quand même bien le dire. C'est une petite pression, d'ailleurs, dès le départ, d'être un peu parmi les favoris comme ça. Oui, parce que les gens, ils t'attendent forcément en tournant. En plus, généralement, le favori gagne pas. Et c'est vrai qu'à la longue, tellement tout le monde pense que tu vas gagner, personne vote pour toi et tout ça, donc c'est un peu compliqué. Bah finalement, vous avez quand même gagné. Moi, ma maman votait en permanence pour Slimane, elle m'envoyait des textos en me disant « Vote pour Slimane !» Oui, c'est drôle. Jure. Alors, moi, j'ignorais que vous aviez fait d'autres concours télévisés de chant avant. Mmh. Vous aviez fait quoi avant The Voice? J'ai tout fait. Mec, il a tout essayé. Non, mais par exemple, l'île de la tentation aussi. Non, tout ce qui avait un rapport avec la musique. Non, mais c'est vrai que la Nouvelle Star, par exemple. Ouais, bah quand j'avais 17-18 ans, c'était un peu les premières. Quoi, c'était les portes les plus simples. Quoi, à essayer d'ouvrir et aussi un moyen de pouvoir rencontrer, en tout cas j'avais cette impression là à l'époque, les gens du métier, et voilà, c'était la manière pour moi la plus facile de forcer de commencer les portes, quelque en fait. Chose et ensuite j'ai beaucoup chanté dans les bars et un jour on m'a rappelé pour The Voice et j'ai dit allez, pourquoi pas. Alors parmi évidemment les chansons que vous avez interprétées dans la célèbre émission de TF1 où les fauteuils rouges se retournent, et justement parmi ces chansons, bah, celle sur laquelle les fauteuils rouges se sont retournés, c'est la reprise de Vita, c'était le premier indice. Ah, c'est ça. Et ça s'appelait donc À fleur de toi. J'essaie de t'oublier avec une autre qui tente en vain de racheter tes fautes. J'essaie mais rien n'y fait. Je ne peux pas, je ne veux pas, je n'y arrive pas. Je ne l'aime pas comme toi. Elle a tenté de me consoler, même si elle n'a pas. À votre version, elle méritait que les fauteuils se retournent, effectivement. Magnifique. Elle met les poils, comme on dit. Bravo. Ouais. J'ignorais aussi que vous aviez, ça c'était le deuxième indice, joué et chanté dans une comédie musicale de Didier Barbelivien. On est loin de la petite valse, hein, qu'on interprétait tout à l'heure. Là, c'est la France de Marie-Antoinette et du Chevalier de Maison Rouge. Oui, raconté par Stéphane Bern. Vous jouiez quoi, vous, alors, dans cette comédie musicale? Je jouais d'un soldat républicain. Un soldat républicain. Ouais. Quant au mur porteur de Florent Pagny, évidemment, c'était votre coach dans The Voice. À bout de rêve, le premier album de Slimane sort le 8 juillet. D'abord, bravo et merci d'avoir chanté en direct dans le studio. C'est la première fois que ça arrive. Et bonne chance alors pour votre carrière. Merci. À demain pour d'autres grosses têtes. RTL, première radio de France. Poussin, je vais au garage AD. Ok, à tout de suite. Alors, AD.fr, devis en ligne. Eh oui, plus besoin de sortir pour aller chez AD. Sur AD.fr, faites votre devis et prenez rendez-vous pour toutes les prestations auto et toutes les marques de véhicules. Avec AD, préparez la route de l'été. AD. 2000 garages, carrosserie et devis en ligne. RTL 18h. RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2 heures d'infos. Et à la une, la première grosse affiche de l'Euro, Italie-Espagne. Une finale avant l'heure que vous allez vivre dans RTL Soir avec Ludovic van de Kerckhoff, qui nous attend au Stade de France où le coup d'envoi va être donné d'une seconde à l'autre. On connaîtra ce soir l'autre grosse affiche, celle de dimanche, qui de l'Angleterre ou de l'Islande affrontera l'équipe de France en quart de finale. Donc, les Bleus qui ont donc eu chaud, de l'aveu même de notre sauveur Antoine Griezmann. On s'est dit les choses, voilà, qu'il fallait se bouger le cul, et parce que si on restait à ce résultat, on allait passer pour des cons. Et donc voilà, très très content et très heureux de la réponse qu'on a donnée. Dans RTL Soir, nous serons donc au Stade de France, mais aussi à Clairefontaine avec les hommes de Didier Deschamps, et à Nice qui s'apprête à recevoir cette Angleterre-Islande. Le 18h, Céline Landreau. Bonsoir Céline. Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous. Les autres titres de l'actualité. Les Britanniques veulent un divorce à l'amiable. Le Royaume-Uni ne doit pas tourner le dos à l'Europe, vient de déclarer David Cameron. Les 27 sont divisés. François Hollande veut rompre vite. Angela Merkel préférerait prendre son temps. Les habitants de Loire-Atlantique ont dit oui et maintenant quid de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Les opposants sont bien décidés à continuer le combat. On y revient à 18h20 avec le premier invité d'RTL Soir, José Bové. Et à 18h30, l'avis d'Alain Duhamel. Ils pourront défiler demain à Paris. 11e jour de mobilisation pour les opposants à la loi travail. Un cortège sous très haute surveillance. Une fresque qui fait polémique à Grenoble. Des policiers y matraquent Marianne et moi chez les forces de l'ordre. Enfin, un flacon qui fait des miracles. Le Saint-Aul est de retour dans vos pharmacies. La Bourse de Paris termine en baisse. Moins 2,97% ce soir. Un CAC 40 à 3900. 184 points. Les courses à Auteuil, il fallait jouer le 11, le 6, l'As, le 10 et le 4. À la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité, Ségolène Royal l'a annoncé ce matin sur RTL, la généralisation des consultations sur tous les projets qui ont un impact sur l'environnement. Mais concrètement, comment ça va se passer? 18h35, Paris, capitale de la Silicon Valley. Dans trois jours commence la première édition de Viva Technology, organisée par Publicis. Son président, Maurice Lévy, nous présente ce salon qui veut devenir le rendez-vous incontournable des start-uppers et des geeks. 18h50, Laurent Gérard. Après 19h, on refera le monde. Bonsoir Patricia Charbonnier. Bonsoir. Pas de changement pour demain, du soleil dans le sud et des nuages dans le nord. Oui, une météo encore maussade sur la moitié nord du pays. Beaucoup de grisailles demain matin, encore un petit peu de pluie. Retour de quelques éclaircies dans l'après-midi avant la prochaine perturbation qui arrivera par la pointe bretonne. Et puis dans le sud, quelques nuages demain matin sur le sud-ouest. Dans l'après-midi, ce sera très ensoleillé avec des températures très contrastées, toujours trop fraîches sur la moitié nord sous les nuages. 17 degrés seulement demain après-midi à Brest, 21 à Lille, 23 à Paris et Nancy. Mais on attend jusqu'à 30 degrés à Bastia, 32 à Marseille et 33 à Nîmes. À tout à l'heure, Patricia Charbonnier. RTL Soir. Un divorce, mais en gardant une relation privilégiée. Les Britanniques veulent garder un pied en Europe, Céline. Ah oui, Londres ne veut pas de rupture douloureuse. Et pour la première fois, l'exécutif en dit plus sur la relation privilégiée que les Britanniques entendent garder avec l'Union européenne. Bonsoir, Marie Billon. Bonsoir. C'est le Premier ministre démissionnaire, David Cameron, qui a commencé l'ébauche des futurs rapports entre Britanniques et Européens. Il a pris la parole tout à l'heure devant le Parlement. Oui, et David Cameron a voulu dédramatiser les choses en commençant son intervention par une pique dirigée vers le Parti travailliste qui subit une crise interne très profonde depuis ce week-end. Mais après ça, il a repris son ton solennel. Lui ne voulait pas de Brexit, il l'a redit, il avait prédit des difficultés si le Royaume-Uni choisissait la sortie, il l'a répété, mais il a mis en place ce matin une unité spéciale chargée de déblayer le terrain pour les futures négociations et il a aussi voulu ébaucher le genre de relations que le pays voudrait entretenir avec l'Union. La Grande-Bretagne quitte l'Union européenne, mais nous ne pouvons pas tourner le dos à l'Europe et au reste du monde. La nature de notre relation future avec l'Union sera élaborée par le prochain gouvernement et chacun reconnaîtra qu'il nous faudra conserver des liens économiques forts avec nos voisins européens. Alors ce prochain gouvernement sera mené par le successeur de David Cameron et justement on en sait un peu plus sur le calendrier d'élection du futur chef du Parti travailliste qui sera de facto le prochain Premier ministre. Le dépôt de candidature devrait s'ouvrir mercredi et se fermer jeudi. Un nouveau chef des conservateurs et donc Premier ministre pourrait être élu le 2 septembre prochain. Marie Billon, correspondante d'RTL à Londres. Angela Merkel de son côté temporise, dit comprendre que la Grande-Bretagne ait besoin de temps pour formaliser sa demande de sortie de l'Union, tonalité différente en France où François Hollande souhaite aller vite. Le président français rencontre actuellement la chancelière allemande et le premier ministre italien pour évoquer ce calendrier. Le Brexit au cœur du bureau politique du parti Les Républicains ce soir également.